Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Guémozo, RGM, sur le 107 MHz. Vous pouvez vérifier sur le cadran. Et vous avez droit ce soir, et oui, exceptionnellement presque, enfin non, ça fait quand même quelques années que ça dure, à une émission ayant pour titre le calendrier des esclavages et des libérations. Les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Alors, ce soir, il sera question de les femmes françaises durant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, le 8 mai 1945, la capitulation de l'Allemagne à Reims, sujet tout à fait d'actualité. Hein. Algérie, 45 000 Algériens tombés en martyr le 8 mai 1945. Christophe Castaner et la pitié salpêtrière, vu par Charline. Hein. Ensuite, il y a des gens qui hurlent « Ne vous suicidez pas » sur RTF. Alors, ne vous suicidez pas, rejoignez-nous, disent-ils aux policiers. Vous êtes de la misère habillée en bleu contre de la misère habillée en jaune. Hein. Adrien Quatennens, grand gagnant de la grande discussion, disons, sur CI, hein. Sur LCI, c'est pas trop bien écrit. Ensuite, Manon Oubry, de la France Insoumise, invitée de Dimanche en politique. Ensuite, les héros et les selfies, billets de nouveau de Charline. Je passe beaucoup de billets de Charline, mais c'est, vous remarquerez que c'est pas très long. Et puis, elle est très sympa. Quand même, je trouve que s'il y avait un César du meilleur ou de la meilleure humoriste, c'est à Charline qu'il faudrait l'attribuer. Hein. Ah oui, quand même. Mélenchon, le 26 mai, ne pas voter, c'est laisser gagner Macron. Eh oui, le droit de vote, c'est un droit. Donc, il faut s'en servir de ce droit. Alors, il faut voter pour l'un, il faut voter pour l'autre, ou il faut voter nul éventuellement. Mais il faut surtout pas s'abstenir, parce que plus il y a d'abstention, plus on laisse la voix aux autres. Hein. C'est-à-dire que si vous vous abstenez, vous n'avez même pas le droit de vous plaindre après, parce qu'on dira, mais écoute, on t'a demandé ton avis, tu ne l'as pas donné, maintenant c'est trop tard. Hein. Maintenant tu dois subir, ouais, en te taisant. Alors, chronique santé, un petit peu de science, ça fait pas de mal de par où ça passe, comme dirait l'autre. Comment il disait Jean-Yann déjà, quand j'entends le mot culture, je sors mon transistor. Vous vous rendez compte? Quel honneur il faisait à RGM, hein? Et il ne savait pas, parce que RGM n'existait pas encore. Les radios libres n'ont été inventées que après les émissions de Jean-Yann. Mais le Jean-Yann, c'était déjà de la radio libre. Il parlait très librement dans le micro. Alors ensuite, un petit peu de science. L'épigénétique, c'est quoi? Bon. Et puis barrage privatisé. L'Union européenne impose. Seule la France obéit. Partout ailleurs, les autres pays européens ont dit non. Non, non, on marche pas. Nous, les barrages, ils restent nationalisés. Ils appartiennent à l'État. Ils ont été construits avec l'argent des contribuables. Donc, ils appartiennent à l'État, et l'État, il va garder le droit d'exploiter les barrages, qui sont amortis, évidemment, qui permettraient aux actionnaires d'empocher beaucoup de sous, hein, comme avec les autoroutes, comme avec tout le reste, quoi. Les privatisations, c'est le vol de l'État, vol du contribuable, au profit de quelques gros actionnaires. Voilà. Alors, ne nous laissons pas faire, surtout pas. Le calendrier des esclavages et des libérations. Le 12 mai 1525, en France, les paysans entrent à Guebwiller. Alors, je rappelle qu'à l'époque, en 1525, l'Alsace n'était pas encore française. Elle dépendait de l'Empire allemand. 1871, France. Les femmes de la Commune de Paris obtiennent l'ouverture de la première école professionnelle de jeunes filles. Eh oui, 1871. Les femmes de la Commune de Paris. Oui. 1881, Tunisie. La signature de la Convention du Bardo établit le protectorat français en Tunisie. 1885, Canada. Batoche. La place forte des Métis, révoltée, tombe aux mains des 5000 hommes de troupes du gouvernement d'Ottawa. 1899, Allemagne. Première grande grève avec participation majoritaire de femmes. 12 000 ouvrières et ouvriers de la confection luttent pour la journée de 10 heures. La journée de 10 heures. 1902, USA, en Pennsylvanie. 150 000 mineurs sont en grève. Ils demandent une augmentation des salaires. L'abaissement du temps de travail et la reconnaissance de la représentation syndicale. 1907, France. L'insurrection des vignerons du Midi fait boule de neige. 150 000 personnes manifestent à Béziers. Le maire de la ville lance un ultimatum au gouvernement. Si d'ici 10 jours, rien n'est fait pour relever les cours du vin, la grève de l'impôt sera proclamée. La grève de l'impôt. 1916, Irlande. James Connolly, syndicaliste militant de l'indépendance, est passé par les armes. Fusillé. 1926, Grande-Bretagne. La grève générale est un échec. 11 jours de solidarité s'achèvent par une défaite humiliante. C'est le plus grave échec depuis l'effondrement du chartisme en 1848. Le syndicalisme britannique en sera marqué pendant 20 ans. 1929, Philippines. Evangelista et son organisation radicale de gauche organisent le KAP, c'est-à-dire l'armée du prolétariat. Puis le CAMP, K-A-M-P, c'est-à-dire Armée des paysans, qui réaliseront une propagande progressive et étendue. 1933, Tunisie. Le congrès du parti du Destour, le Destour à l'époque, revendique la restauration des libertés supprimées en 1926. En 1951, USA. Explosion de la première bombe à hydrogène. 1953, Japon. Lutte contre la base américaine de Uchinada. 1964, Tunisie. Nationalisation des propriétés agricoles étrangères, françaises et italiennes. Les USA vont prendre le relais, ancienne puissance coloniale. 1972, Madagascar. Explosion de colère, le mai malgache. Dans la capitale, la population descend dans la rue. Le gouvernement fait arrêter 400 représentants des grévistes réunis en assemblée à Tananarive. Ils sont déportés dans l'île prison de Nosy Lava. Pour la plupart, ce sont des jeunes. 1974, Italie. Par 59,3% des voix, les électeurs italiens disent oui au divorce. Ils rejettent un des piliers du système politique et idéologique. L'alliance entre la fraction conservatrice de l'Église catholique et le parti dominant. 1980, Brésil. Les ouvriers métallurgistes de la banlieue de São Paulo, en grève depuis le 1er avril, reprennent le travail sans avoir rien obtenu. 1980, Salvador. Les partisans de la force l'ayant emporté contre ceux des réformes, l'armée se lance dans une grande offensive contre la guérilla. Des ecclésiastiques portent de graves accusations au sujet de massacres des populations paysannes. Massacre des populations paysannes. Le 13 mai 1236, en France, en Champagne, Robert le Bougre, ancien hérétique devenu dominicain, fait emprisonner 183 personnes dans la forteresse du Mont-Aimé pour les faire brûler au nom de l'Inquisition.

en ce 8 mai, nous célébrons la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un livre qui m'a profondément bouleversée. Ce roman, il s'agit du Chant du Rossignol de Christine Hanna, paru récemment aux éditions Michel Lafon. Au fil des pages, le lecteur suit les destins de deux sœurs, des prémices de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la Libération. L'occasion de raconter la grande histoire du point de vue des petits. En août 1939, la France rappelle ses réservistes pour rejoindre les rangs de l'armée et défendre les positions françaises contre l'avancée des Allemands. Au même moment, l'Allemagne envahit la Pologne et le 1er septembre, elle déclare la guerre. Bientôt, tous les hommes valides seront réquisitionnés. C'est près de 5 millions d'hommes qui sont mobilisés. Ils arrivèrent bien trop vite à la gare, près de Tours. Le quai était bondé de jeunes hommes chargés de valises, de femmes qui les embrassaient et d'enfants qui pleuraient. Une génération d'hommes partait pour la guerre, à nouveau. « N'y pense pas, » se dit Viane. « Ne repense pas à la dernière fois où les hommes sont revenus boiteux, le visage brûlé, amputés de bras et de jambes. » Le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris et très vite, le drapeau à croix gammée flotte sur la tour Eiffel. « Tu entends ça ?» lui dit-il un peu plus tard. S'était-elle endormie ? Elle se redressa, elle n'avait pas entendu son père approcher, mais il était maintenant à côté d'elle, les sourcils froncés. Il y avait bel et bien un bruit étrange dans la librairie. De la poussière tombait du plafond. Les bibliothèques tremblaient légèrement, produisant une sorte de claquement de dents. Des ombres passaient devant les vitrines, à petits carreaux de l'entrée. Par centaines. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » demanda-t-elle à un homme rougeau qui respirait bruyamment et essayait de se dégager de la foule. « Les Allemands entrent dans Paris ! Il faut s'en aller ! J'ai déjà vécu la Grande Guerre, je sais ! Les Allemands à Paris ?» se moqua Isabelle. « Impossible !» Lors d'un discours le 17 juin 1940, le maréchal Pétain capitule face à l'Allemagne. Cela est diversement apprécié par les Français. Pétain était un héros de la Première Guerre mondiale et certains sont convaincus qu'il agit dans l'intérêt de la France. La capitulation était une pilule dure à avaler. Mais le maréchal Pétain était un homme honorable, un héros de la dernière guerre contre l'Allemagne. Certes, il était vieux, mais Viane était d'avis que cela ne faisait que lui offrir un meilleur point de vue pour juger la situation. Il avait trouvé un moyen pour que leurs hommes rentrent chez eux et que la grande guerre ne se répète pas. Le 18 juin 1940, un inconnu, un certain général de Gaulle, appelle les Français à résister à l'occupant sur les ondes de Radio Londres. Dans le salon, elle alluma la radio et en approcha un fauteuil, espérant entendre les actualités de la BBC. Il y eut des grésillements, puis une voix inconnue dit « Vous êtes sur la BBC, ici le général de Gaulle. »« Viane !» cria Isabelle vers la cuisine. « C'est qui le général de Gaulle ? Qu'est-ce qui ?» Chut ! La coupa Isabelle. « Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Mon Dieu, dit Isabelle. C'était ce qu'elle avait attendu d'entendre. Il y avait bel et bien quelque chose à faire. Un combat dans lequel s'engager. La capitulation n'était pas définitive. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Isabelle se rendit à peine compte qu'elle pleurait. Les Français n'avaient pas baissé les bras. Plus généralement, les Français sont partagés face à cette situation assez complexe. Une grande majorité silencieuse ne prend pas vraiment parti car leur préoccupation première est de survivre. Viane n'était pas la seule à vouloir faire comme si la France n'avait ni capitulé ni été conquise. En ville, les commerçants et les cafetiers souriaient aux Allemands, leur servaient du champagne et leur vendaient les meilleures pièces de viande. Les villageois, des paysans pour la plupart, haussaient les épaules et continuaient de vivre leur vie. Oh, ils marmonnaient d'un air désapprobateur, secouaient la tête et donnaient de mauvaises indications quand un Allemand leur demandait son chemin. Mais au-delà de ces petits actes de rébellion, il n'y avait rien. Pas étonnant que les soldats allemands fussent bouffis d'arrogance. Ils avaient pris cette ville sans devoir se battre. Grand Dieu, ils avaient fait la même chose à toute la France. Très vite, les Allemands dressent des listes de juifs, d'homosexuels ou encore de communistes qui sont renvoyés de leurs emplois avec l'appui de la police française. Le gouvernement de Pétain s'est installé à Vichy et règne sur la France libre. Certains Français en territoire occupé décident de collaborer avec l'ennemi par conviction ou surtout pour profiter de nombreux avantages dans une France minée par les restrictions. La politique visant à stigmatiser les Juifs s'amplifie et fin mai 1942, on les contraint à porter l'étoile jaune sur leurs habits. Ils ont instauré une nouvelle loi, dit-elle enfin. Lentement, elle ouvrit sa main gauche pour révéler les morceaux de tissu jaune froissé qui avaient été découpés en forme d'étoile. Sur chacun d'eux était inscrit en noir le mot « juif ». Nous devons porter ça. Nous devons les coudre sur nos vêtements, sur les 3 vêtements d'extérieur qui nous sont autorisés, et les porter tout le temps en public. J'ai dû les acheter avec mes tickets de rationnement. Je n'aurais peut-être pas dû me déclarer. Si nous ne les portons pas, nous risquerons de sévères sanctions, quoi que ça veuille dire. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1942, a lieu à Paris la tristement célèbre rafle du Veldiv. Des familles juives entières sont arrêtées et parquées dans le stade du Vélodrome d'hiver en vue de rejoindre des camps de concentration. 13 152 juifs seront arrêtés, dont 4 115 enfants, 2 916 femmes et 1 129 hommes. Isabelle ne comprenait pas comment les gendarmes français pouvaient-ils faire ça aux Parisiens. Les enfants ne peuvent tout de même pas travailler, monsieur. Il doit y avoir des milliers d'enfants là-dedans et des femmes enceintes. Comment est-ce que j'ai l'air d'être le cerveau de tout ça? Je fais juste ce qu'on me demande. On me dit d'arrêter les juifs étrangers à Paris, je le fais. Braquez vos fusils sur eux et soyez prêts à tirer. Le gouvernement veut que les juifs étrangers de toute la France soient envoyés à l'Est dans les camps de travail. Et nous commençons comme ça. Toute la France? Isabelle sentit l'air jaillir de ses poumons. L'opération vent printanier. Vous voulez dire que ça ne se passe pas qu'à Paris ? Non, ce n'est que le début. On connaît la triste réalité que furent ces camps pour les Juifs, mais les résistants et les autres prisonniers politiques envoyés aux travaux forcés connurent eux aussi des traitements d'une horreur sans nom. Elle était hébétée comme une mule de trait quand les nazis lui passèrent un harnais sur les épaules qu'ils serrèrent au niveau de sa ceinture. Elle était harnachée à 11 autres jeunes femmes, coude à coude. Derrière elle, une roue en acier de la taille d'une automobile était fixée au harnais. Le 7 mai 1945, l'Allemagne signe son acte de reddition à Reims. Les 8 et 9 mai, elle signe l'acte de Berlin qui met fin définitivement au conflit armé en Europe. L'histoire a célébré les soldats et les grandes figures masculines de la résistance. Toutefois, il n'y a jamais eu de véritable reconnaissance pour toutes ces femmes ayant risqué, voire donné leur vie pour la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. Les hommes racontent des histoires, dis-je, et c'est la réponse la plus vraie et la plus simple à sa question. Les femmes continuent d'avancer. Pour nous, ça a été une guerre de l'ombre. Il n'y a pas eu de parade pour nous quand ça s'est fini, ni de médailles ou de mentions dans les livres d'histoire. Nous avons fait ce que nous devions pendant la guerre, et quand elle s'est terminée, nous avons recollé les morceaux et recommencé nos vies. En ce 8 mai, nous célébrons la fin de cette horrible guerre. On parle beaucoup des grands hommes, mais nous ne devons pas oublier toutes ces femmes qui, dans l'ombre, ont contribué au salut de la France. Le Chant du Rossignol est un roman poignant qui suit le quotidien de femmes ordinaires prises dans l'étau de cette horrible guerre. Il pousse le lecteur à s'interroger sur ses propres réactions s'il avait été confronté à pareille tragédie. Vous l'aurez compris, je vous conseille vivement la lecture de ce roman, duquel vous ne ressortirez pas tout à fait le même. Thank you. En février 1945, le général Eisenhower avait installé son quartier général dans ce lycée de briques rouges. À l'extérieur, aujourd'hui, rien n'a vraiment changé. Le bâtiment abrite d'ailleurs toujours un lycée. Mais à la fin de la guerre, évidemment, l'atmosphère était très différente. Il faut imaginer, il y avait des soldats partout. Dans la rue, des cohortes de prisonniers allemands qui défilent sous bonne escorte. Ce 6 mai 1945, la tension monte encore d'un cran. Voici le général Alfred Jodl, le chef d'état-major de l'armée allemande, qui arrive à Reims et entre par cette grande porte. Il est attendu par les chefs des armées alliées. Depuis la veille, dans ces murs, les négociations autour de la capitulation patinent. Mais dans la nuit, tout se débloque. La signature doit se dérouler dans la salle des cartes, la War Room, le saint des saints des armées alliées, là où se conduit la guerre sur le front ouest. Cette salle, la voici, conservée en l'état, recouverte du sol au plafond par des cartes d'état-major. Très rapidement, on prépare la grande table de conférence. 17 journalistes sont conviés et installent projecteurs et caméra au fond de la salle pour couvrir l'événement. À 2h30 du matin, le général Jodl entre dans la pièce. Il esquisse un salut auquel personne ne répond. Les Allemands s'assoient à la table. Le général Jodl se place ici, au centre. À sa droite, son aide de camp, et à sa gauche, l'amiral von Friedenburg, le chef de la marine allemande, qui a conduit l'essentiel des négociations. En face, de l'autre côté de la table, 8 hauts gradés alliés. Trois d'entre eux vont contresigner le texte de la capitulation. D'abord, le général Bedell Smith, qui est le chef d'état-major américain et le bras droit d'Eisenhower. Ensuite, il y a le général Sousloparov, qui représente ici les soviétiques. Et puis, il y a les Français, qui signent avec le général Seves. Autour de la table, la tension est palpable. Après quelques minutes de signature, de brefs regards échangés et de messes basses, le général Jodl se lève. Il prononce un bref discours dans lequel il demande que le peuple allemand soit traité avec générosité. Il salue de la tête, quitte la pièce. C'est fini. Les alliés se congratulent. Eisenhower, qui ne voulait pas discuter directement avec les émissaires allemands, peut enfin sourire. Il fait le V de la victoire avec les stylos utilisés pour la signature. Nous sommes le 7 mai au matin. L'Allemagne vient de capituler. Le 8 mai 1945, 71 ans après cette date importante de notre histoire, pour les Algériens, c'est l'étincelle du déclenchement de la révolution du 1er novembre. Et pour cause, 45 000 Algériens sont tombés en martyrs sous les balles de l'armée d'occupation française et même de colons français à l'époque. Une tuerie de masse qui a touché particulièrement trois villes tristement célèbres par ces événements sanglants, Sétif, Guelma et Kharrata. Pourtant, ce 8 mai 45 devait être un jour de fête pour cette Algérie occupée et à qui on avait promis l'indépendance contre une aide pour vaincre l'Allemagne nazie. Le gouvernement défend Christophe Castaner après ses propos erronés sur la salpêtrière. La secrétaire d'État aux affaires européennes est avec nous. Bonjour Amélie de Montcharline. Bonjour, écoutez, je pense qu'il est temps de clore cette polémique stérile. Tu parles, j'en ai ras la casquette de passer mon temps à rattraper ses conneries, moi. Je préfère encore quand il est bourré en boîte de nuit, au moins pendant ce temps il la ferme. Alors oui, Christophe Castaner a parlé d'une attaque de l'hôpital plutôt que d'utiliser le terme intrusion, pardonnez-moi, mais c'est là un détail sémantique. Et puis oh, sur les pancartes des manifestants, il y a une faute tous les trois. Mots, ils vont pas la ramener sur la sémantique. Donc on est là en train de faire le procès médiatique du ministre de l'Intérieur, tout ça parce qu'il a choisi un mot plutôt qu'un autre. Casta, il est déjà tellement nul comme ministre, si je dis qu'il est mauvais en français, c'est complètement vraisemblable. Quant aux gilets jaunes, on voit bien que le mouvement est en bout de course. Samedi, on a compté quoi, une cinquantaine de manifestants dans toute la France. Bah, tu m'étonnes, la semaine dernière, on les a tellement asphyxiés aux lacrymaux qu'ils ont pas encore eu le temps de s'en remettre. Personnellement, je trouve que Christophe Castaner remplit parfaitement sa mission. C'est un homme tout à fait compétent. Oula, attends, Amélie, la calme. Toi, il faut que tu restes crédible. Alors oui, bien entendu, il a ses défauts. Je dirais qu'il est certainement un petit peu trop perfectionniste. Et c'est surtout le plus gros boulet que j'ai jamais rencontré. Entre nous, on l'appelle le boulet à facettes, le kéké de Forcalquier, le ministre de l'Intérieur Sky. Et j'en ai un peu assez d'entendre. Est-il à sa place au gouvernement? Je le répète, oui, il est à sa place au ministère de l'Intérieur. C'est vrai, quoi. Je vois pas pourquoi on se pose cette question, alors qu'on sait tous depuis le début qu'il a rien à foutre là. Les Français en sont au point de regretter Valls et Hortefeux. Pour en finir avec cette affaire de la salpêtrière, un hôpital, c'est un sanctuaire, même si on est poursuivi poursuivi par des CRS armés de LBD, ce n'est pas une excuse. Hôpital, ça ne rime pas forcément avec hospitalité. Ah merde ! Là, je crois que c'est une connerie ce que je viens de dire. Zut ! Bah du coup, il faut que j'en dise une encore plus grosse pour que ça passe. Bon, Amélie, concentre-toi. Aujourd'hui, les Français peuvent avoir une confiance totale en leur ministre de l'Intérieur. C'est un homme d'État qui se montre tout à fait à la hauteur des événements. Bah dis donc, oh, il en faut du carriérisme pour arriver à dire des bêtises pareilles. Moi-même, je m'étonne. En tout cas, le gouvernement dont je fais partie est au travail pour servir tous les Français. Ah, des fois, j'ai vraiment envie de retourner chez AXA. Hein. C'était plus pépère et puis c'était mieux payé. Merci, Charline Vanhoenacker. Là, ce matin, tout le monde est en boucle sur les radios, les télés, pour dire des gilets jaunes, enfin ils disent même les gilets jaunes, on dit aux flics, suicidez-vous. Dans la minute qui suit, il y a des gens qui ont des pancartes, il y a des gens qui hurlent, ne vous suicidez pas, rejoignez-nous, vous êtes des pauvres en bleu, nous sommes des pauvres en jaune, on doit travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on entend ? Ben, on entend que, ils ont dit suicidez-vous, et on exploite cette situation-là. Quand vous dites, Monsieur Guérini, la baisse des charges, en réalité, vous parlez de la baisse des cotisations, donc d'une part du salaire. Je parle de ce qui fait augmenter le salaire net. Ça, je crois que les Français, ils le voient très bien. Et oui, et les Français comprennent que le salaire net, ce n'est pas tout leur salaire. Il y a aussi les cotisations. C'est une part de ce qu'on appelle le salaire différé. Non, en bas à droite, les gens savent que c'est pas le salaire. Attendez, c'est important. Où est-ce qu'il arrive sur leur compte en banque ? Ce qui est dans l'entre-deux, entre le brut et le net, finance, les accidents de la vie, etc. Vous savez très bien. Première chose. Deuxième chose, quand vous parlez de la hausse de la prime d'activité, traduisons ce qu'est la prime d'activité. La prime d'activité, 100 euros de plus par mois. C'est la subvention au contrat précaire et c'est la subvention au bas salaire. Et ça n'a rien à voir avec la hausse du SMIC. Je suis pour une véritable hausse du SMIC de 15% et j'estime qu'elle serait bien en mesure de relancer l'activité. Ensuite, sur la pérennisation du CICE qu'a inventé M. Hollande en baisse de cotisation, qui coûte 40 milliards cette année par an, c'est bien moins efficace et beaucoup plus cher pour créer des emplois, par exemple, que la baisse du temps de travail, ou même que les contrats aidés, vous êtes évertués à supprimer. Un emploi CICE, c'est à peu près 13 contrats aidés en termes de coûts, compte tenu de ce que ça coûte, ce que ça va être créé. Maintenant, sur la fiscalité, je réponds à la question de David Pujadas. Le gros problème aujourd'hui, c'est pas trop d'impôts pour tout le monde. D'ailleurs, si vous... Les jaunes ont dit ça. Oui, trop d'impôts, mais pour qui ? C'est bien la question qui est posée. Car aujourd'hui, en France, les 0,01% les plus riches ont un taux d'imposition inférieur à 90% de la population. D'accord ? Donc le principal problème, c'est bien celui de la répartition de l'effort entre tous. Sur ce point, j'ai une proposition précise à formuler, celle d'une véritable révolution fiscale de 14 tranches d'impôts qui ne serait pas confiscatoire, mais qui permettrait de mieux répartir l'effort entre tous. Ça produirait cet effet que toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4000 euros par mois, et ça fait beaucoup de monde dans ce pays, vous le savez, paieraient moins d'impôts. Voilà ce que nous pourrions faire. Ensuite, avec une tranche à 90%. Monsieur Bayrou, oui, tout au-dessus de, effectivement, 400 000 euros. Monsieur Bayrou a posé une question juste sur la question de comment faire pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. C'est vrai que cette affaire, selon les études très sérieuses, c'est 80 à 100 milliards d'évasion et de fraude fiscale. Justement, le chiffre. C'est plus que le budget de l'éducation et de la défense réunis, c'est plus que le déficit dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée. J'ai une proposition à formuler là-dessus. Que l'on fasse comme font, c'est pas tous les jours que je vais dire ça, hein, les Américains dans certains États, l'impôt universel. Vous payez la différence entre le pays, le fisc du pays où vous êtes atterri et le fisc de là où vous venez. Par conséquent, vous allez même sur la Lune, vous payez la différence. Voilà une solution qui me paraît plus efficace. Bien. Et sur l'ISF, bien sûr qu'il faut le rétablir. Bien sûr. 1 million d'euros redistribués aux 100 Français les plus riches. Pour quel résultat? Monsieur Guérini, votre affaire de redistribuer à ceux qui ont le plus pour que ça ruisselle sur l'économie, ça ne marche pas. Et moi, je suis soucieux de la vraie relance de l'activité de notre pays. Et par exemple, la hausse des salaires et la baisse du temps de travail, c'est plus apte à le faire que vos exonérations fiscales. Bien. Je vais répondre. Adrien Quatennens, si vous ne souhaitez pas réagir là-dessus, je vous propose qu'on avance un peu. Non, moi, je veux bien réagir là-dessus. Alors, mais brièvement, mais vous êtes le bienvenu. Et Laurent Wauquiez aussi. Non, souvent, il l'a dit. Souvent, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est détestable de voir que dans notre pays, il y a 9 millions de pauvres. Et il y a bien un lien de cause à effet sur le fait qu'il y ait des très très riches et des pauvres. Parce que la richesse produite, c'est un stock. Et ensuite, c'est la manière dont elle se répartit. Et aujourd'hui, c'est vrai, je ne vais pas dire les patrons, parce que contrairement à la caricature, je ne confonds pas les patrons des grandes sociétés avec l'essentiel des patrons des PME, dont je veux m'occuper notamment de relancer l'activité. Mais aujourd'hui, je pense notamment dans les grandes sociétés que nous avons des dirigeants qui sont au-dessus de nos moyens, je vous le dis franchement, et que souvent ces sommes ne rétribuent d'ailleurs pas toujours de bons résultats, ni un talent particulier, je dois le dire. Et en moyenne, dans le CAC 40, parfois même l'échec, et en moyenne aujourd'hui, dans le CAC 40, l'écart des salaires est de 1 à 257. Presque de manière philosophique, je m'interroge, qu'est-ce qui mérite 257 fois plus, même si c'est normal qu'il y ait des niveaux d'investissement différents. Quelle tâche humaine justifie qu'on gagne 257 fois ce que gagne la personne au SMIC qui va tous les matins conduire ses gosses à l'école, aller travailler? Donc j'ai une proposition à formuler là-dessus aussi. C'est qu'on réduise l'écart des salaires. Vous allez voir que ça n'est pas non plus confiscatoire. Je propose, et nous faisons nôtre à la France Insoumise, la proposition de la Confédération Européenne des Syndicats de limiter l'écart des salaires au sein d'une même entreprise de 1 à 20. Par conséquent, effectivement, s'ils veulent des dirigeants extrêmement chers, je pense qu'on peut en trouver des plus talentueux et moins chers, eh bien, ils peuvent maintenir ces niveaux de rémunération, mais devant respecter l'écart de 1 à 20, tous les bas salaires vont augmenter. Bien. Je vous prie de croire que ça aussi, ça relancerait très efficacement l'activité du pays. D'abord, David Plaza, je voudrais dire que je suis stupéfait de votre entrée en la matière, parce que vous avez commencé par nous dire on va parler d'immigration, et vous êtes arrivé, vous m'avez dit, on va faire un fait d'actualité, il y a eu récemment Notre-Dame de Paris. Je pensais qu'en parlant d'immigration, vous auriez pu citer un autre fait d'actualité, que c'est que dimanche dernier, 800 personnes ont péri au large de la Libye. Et ça, c'est pour le coup un vrai fait d'actualité qui concerne la question de l'immigration. Alors ensuite, j'entends depuis tout à l'heure Monsieur Wauquiez courir derrière Madame Le Pen en disant qu'il y a trop d'immigration. Je vous le dis, Monsieur Wauquiez, vous commentez cette question comme si vous commentiez un bulletin météo. C'est-à-dire, il y a trop d'immigration comme finalement il y a trop de pluie. Mais jamais vous intéressez au fait de savoir pourquoi il y a ces phénomènes migratoires. Je vous l'ai déjà dit. Aujourd'hui, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que les mouvements migratoires et les mouvements de population sont vieux comme l'histoire de l'humanité. D'abord, je considère que nous avons un devoir d'humanité dans ces situations et que l'Europe est incapable d'organiser correctement les choses. C'est vrai. Mais je le dis solennellement à M. Wauquiez, à Mme Le Pen. Le problème, c'est que les migrations aujourd'hui sont forcées. Les gens ne choisissent pas de quitter leur pays. Ils sont contraints de le faire par des conditions. Et le premier problème n'est pas qu'ils arrivent chez nous, c'est qu'ils soient contraints et forcés à partir de chez eux, qu'ils n'en aient pas le choix. Et jamais vous ne parlez des causes et de nos responsabilités. Monsieur Wauquiez, quand on poursuit le libre-échange, comme on le fait, et ces politiques économiques qui déménagent le monde, on ruine parfois les capacités de développement des pays et ensuite on pousse les gens à migrer. De la même manière, on parlera peut-être à une heure comme souvent trop tardive de la soirée du climat. On sait aujourd'hui, le GIEC nous dit que si on n'endigue pas le changement climatique, ce ne sont plus 67 millions de personnes, comme c'est le cas aujourd'hui, qui vont être contraintes de partir, mais 250 millions de personnes qui vont ne pas avoir d'autre choix que de quitter leur pays. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les rejeter à la mer? Non, personne ici le fera. Personne ici le fera. Et ça, le simple fait que nous soyons présents ici ce soir sur ce plateau, et avec les thèmes que nous avons à aborder, constitue une preuve que la dernière élection présidentielle n'a absolument rien réglé des grandes questions qui restent soulevées à cette heure. En France, les 30 plus grandes fortunes possèdent l'équivalent de ce que possède 40% de la population réunie. Le changement climatique est commencé et désormais met en cause la pérennité de la vie humaine sur Terre. Dès lors, je considère que la mobilisation des Gilets jaunes ou les marches pour le climat fonctionnent comme une injonction à tout changer. En cela, le moment que nous vivons, je le crois, est salutaire. Car je pense que tout changer, c'est précisément ce qu'il y a de plus sérieux, de plus urgent et de plus raisonnable à faire. Et la première étape consiste à dire qu'Emmanuel Macron, derrière l'apparence du renouveau, n'est que l'habillage d'un système obsolète, à bout de souffle, avec lequel il faut rompre. Et je crois que la France a toutes les capacités pour ouvrir la voie de cette grande bifurcation. La première étape pourrait être de convoquer une assemblée citoyenne constituante pour refonder la règle commune et passer à la 6e République. Dans un moment comme celui-ci, oui, David Pujadas, on devrait pouvoir voter par l'instauration du référendum d'initiative citoyenne ou par la dissolution de l'Assemblée nationale. En République, le peuple est seul souverain. Et parce qu'il est le seul souverain, dans une telle situation, c'est à lui et à lui seul que devrait revenir le dernier mot. Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Invité ce midi, Manon Aubry, tête de liste La France insoumise aux élections européennes. Un scrutin test pour Emmanuel Macron, ce sont les premières élections depuis son élection à l'Élysée, et donc aussi pour ses opposants. L'Union européenne, cependant, n'est pas un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, mais une maison commune que l'on construit ensemble, avertit Daniel Cohn-Bendit. L'Europe, en tout cas, a autant de définitions qu'il y a de partis politiques. Des idées reviennent régulièrement, cependant, comme un salaire minimum européen, ou la priorité qui doit être donnée à l'environnement. Et on va parler de tout ça avec Manon Aubry. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Nous allons revenir d'abord sur l'un des événements de la semaine, le 1er mai à Paris, et l'intrusion à la Pitié-Salpêtrière, l'hôpital. Christophe Castaner a parlé d'attaque dans un premier temps. Une phrase choc prononcée le soir du 1er mai à la Salpêtrière. Les gens ont attaqué un hôpital. Mais des accusations rapidement démenties par une vidéo. Une cinquantaine de personnes poursuivies par des policiers arrivent en courant vers une passerelle menant au service de réanimation. Vous avez senti de la colère, de la haine, une intention? Non, du tout. Je vous dis, ça s'est fait. Ils sont arrivés, ça s'est calmé très vite. Les forces de l'ordre ont été efficaces. On n'a pas senti d'agression plus que ça. Christophe Castaner fait marche arrière. J'ai déclaré en effet que des gens avaient attaqué un hôpital. Je n'aurais pas dû l'employer. Après 7 mois place Beauvau, le ministre de l'Intérieur apparaît pour une partie de l'opinion de plus en plus fragilisée. Voilà, Manon Aubry, Christophe Castaner a fait son mea culpa, dont acte. Je ne sais pas où est-ce que vous voyez un mea culpa, il continue à parler d'intrusion violente. À quel moment y a-t-il eu une intrusion violente? Vous avez passé notamment des extraits du personnel hospitalier qui a témoigné du fait qu'en face d'eux, ils avaient des personnes apeurées, qui fuyaient les gaz lacrymogènes et qui cherchaient à se réfugier. Je n'ai à aucun moment vu une intrusion violente. Et puis, il y a des personnes qui ont été mises en garde à vue plus de 24 heures parce qu'ils ont juste cherché à se réfugier de la violence des forces de police. Donc, je pense que Christophe Castaner, en plus, on n'est pas là à son premier fait d'armes, il doit faire face à ses responsabilités sur ce qui s'est passé. Il doit démissionner, c'est ce que vous dites à la France insoumise. Oui, parce que... Mais ce n'est pas la première fois que vous le dites. Pensez-vous être entendu cette fois? Pourquoi vous pourriez être entendu d'ailleurs cette fois-ci? Parce que je crois que Christophe Castaner en est loin d'en être à son premier fait d'armes. Il il a un grand déni des violences policières qui a eu lieu ces dernières semaines et ces derniers mois. Il a parlé de factieux quand il fait référence aux Gilets jaunes. On se souvient même qu'il a dit que les ONG, sur un autre sujet, étaient complices des passeurs en Méditerranée. Je crois que le comportement de Christophe Castaner, qui est censé être le premier flic de France, est irresponsable, quand en plus son bilan, c'est plus de 2000 blessés dans ce mouvement social. En tout cas, une enquête judiciaire est ouverte après les événements de la Pitié-Salpêtrière. Christophe Castaner pourrait être entendu par les sénateurs. Une commission d'enquête parlementaire a été demandée, notamment par Yannick Jadot. Avec ça, normalement, vous devriez tout savoir. La question n'est pas de tout savoir. Là, je pense, et d'ailleurs, il faut saluer le travail des médias. Cette semaine, c'était la journée de la liberté de la presse. C'est grâce au travail de médias indépendants qu'on a pu savoir véritablement ce qui se passait. Parce qu'on a eu quand même 24 heures de tentatives de manipulation de l'opinion publique. Et Christophe Castaner avait fait la même chose avec Geneviève Leger, qui a été victime à Nice aussi de violences policières, en disant, en gros, elle est tombée toute seule. Donc c'est vraiment irresponsable. Est-ce que je crois qu'il doit partir. Est-ce qu'il faudrait déclencher la loi sur les fake news à ce niveau-là? Bah, oui, Vous étiez contre, hein, la France insoumise à l'Assemblée nationale a voté contre. Peu importe le contenu de la loi exacte, ce qu'on veut dire ici... Mais déclencher la loi fake news, ça se justifierait là? Je pense qu'on a une preuve évidente du fait que c'est une fake news. Quand Christophe Castaner dit droit dans les yeux, c'est une attaque, puis c'est une intrusion violente... Donc la loi pourrait s'appliquer? Je pense qu'elle devrait s'appliquer. En tous les cas, je pense que... On n'est plus de l'ordre du question de est-ce que c'est juridiquement acceptable ou pas. C'est politiquement inacceptable qu'un ministre de l'Intérieur, un ministre qui occupe une fonction importante dans les dispositifs d'État, dont son bilan est des violences policières qui ment et instrumentalisent l'opinion publique, soit encore en fonction. Moi, je ne comprends pas comment c'est encore possible. Il y a aussi les Black Blocs. Est-ce qu'il faudrait les dissoudre, comme demande le Rassemblement national? Sur les Black Blocs, il faut une action ferme. Les dissoudre? Il faut une action ferme, oui, il faut les dissoudre s'il faut et que les preuves sont faites, qu'il y a besoin de les dissoudre. Vous avez des doutes là-dessus? Il faut une enquête judiciaire. Vous savez, l'arsenal judiciaire existe en France. Et c'est en fait tout le problème, c'est que on a une minorité de black bloc, de violents qu'il faut dénoncer, et on l'a toujours dit, la violence n'est jamais la solution. Et puis, on a un gouvernement qui utilise l'argument des black blocs pour instrumentaliser et dire, regardez, tout le monde est violent. Mmh. Et donc, du coup, on considère tous les manifestants comme des casseurs. Hier, il y avait de nouvelles manifestations de Gilets jaunes, notamment à Metz, pour la 26e journée, 19 000 personnes dans la rue. Et à Metz, où il y a le G7 environnement, il y avait aussi Francis Lalanne, qui va mener la liste Alliance Jaune, avec des Gilets jaunes sur sa liste, aux élections européennes. Et il vous pose une question, c'est de là-bas qu'il nous envoie sa question. Manon Aubry, bonjour. Francis Lalanne. Je fais partie d'une liste de 79 citoyennes et citoyens français, libres, autonomes, indépendants, issus du mouvement des Gilets jaunes, et qui ont décidé de se présenter aux élections européennes sans pour autant être membres d'un parti politique. Et je voudrais savoir comment vous, qui venez de la société civile, vous pouvez aujourd'hui vous prétendre insoumise alors que vous obéissez à un chef et que vous faites partie d'une structure qui est un parti politique, même si vous appelez ça un mouvement, et qui se conforme aux règles de l'institution. Je vous laisse répondre. Alors, moi, je me sens très libre. En effet, je viens de la société civile, du monde associatif. Je travaillais pour Oxfam jusqu'à présent et je n'avais jamais milité politiquement. Et notre liste, elle est aussi faite de 79 citoyennes et citoyens qui défendent un projet et deux choses. D'abord, je n'ai pas le sentiment d'être derrière un chef. Je me sens assez libre. Je vous rassure, il n'est pas en train de tirer toutes les ficelles et de bouger mes bras en même temps. Et puis, je crois aujourd'hui que les revendications qui ont été exprimées dans la rue ces derniers mois, mais d'ailleurs, même en dehors de la rue, avec ou sans Gilets jaunes, quand on demande de la justice fiscale, le rétablissement de l'ISF, davantage de démocratie ou la hausse du SMIC, ça fait écho aux propositions qui sont portées par la France Insoumise. Est-ce que Francis Lalanne est un vrai Gilet jaune à vos yeux ? Je n'ai pas à juger s'il est un vrai ou un faux Gilet jaune. Il le porte et il dit qu'il représente les Gilets jaunes. Est-ce qu'à vos yeux, il représente bien les Gilets jaunes ? Non. Alors, en revanche, comme nous n'avons jamais eu la prétention de représenter les Gilets jaunes, je pense qu'il devrait avoir la même humilité. Parce que les mouvements des Gilets jaunes, tout le monde a été très clair, il n'y a pas de leader, pas de chef. Mmh. C'est un mouvement qui est auto-organisé et c'est pour ça aussi qu'il est difficile à saisir, y compris pour les médias. Et d'ailleurs, il y a trois listes qui se réclament des Gilets jaunes. C'est une concurrence pour vous ? Mais vous savez, c'est une concurrence pour vous ? Il y a beaucoup de listes qui se réclament des Gilets jaunes. Nous, sur notre liste, quasiment l'ensemble des candidats a été mobilisé ces derniers mois. Justement, est-ce que ces listes Gilets jaunes sont une concurrence pour vous ? La question, c'est quel projet ils portent. Et ils sont une concurrence si jamais ils avaient exactement le même projet de A à Z et qu'on ne serait pas ensemble. Là, ce n'est pas le cas. Moi, je ne sais pas quel est leur projet pour les élections européennes. Et donc, nous, on a un programme qui est clair depuis début décembre, qui porte notamment le référendum d'initiative citoyenne au niveau européen, qui porte un SMIC européen, qui porte une liste de paradis fiscaux clairs. Voilà des propositions claires qu'on met sur la table. Cette semaine, le Premier ministre a dévoilé le calendrier des mesures qui devraient être présentées d'ici les mois qui viennent. La vente d'Ascoval à British Steel et le coup d'État manqué au Venezuela. Baisser l'impôt sur le revenu, Bercy donne les derniers détails. Entre 180 euros et 350 euros par an en moins en moyenne. Une bonne nouvelle pour ses contribuables. C'est super parce que vraiment la vie est de plus en plus dure. On pourra peut-être se payer un petit voyage, on pourra peut-être en donner un peu plus aux petits-enfants. Comment obtenir cette baisse d'impôt ? Baisser les premiers taux d'imposition, ceux de 14 et 30% aujourd'hui. Le gouvernement, de son côté, assure qu'il supprimera certaines niches fiscales accordées aux entreprises. Pas d'explosion de joie, quelques sourires discrets sur les visages. Ces salariés d'Ascoval sont pourtant enfin fixés, leur usine et leurs emplois sont sauvés. Depuis quand même quasiment 3 ans qu'on est comme ça tous sous pression, il était vraiment temps qu'on ait une bonne nouvelle, quoi. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est rendu sur place, aux côtés des acteurs du dossier. Je crois profondément dans l'avenir de l'industrie française. Il faut se battre pour chaque emploi, il faut se battre pour chaque usine, il faut se battre pour chaque ouvrier. British Steel sera officiellement propriétaire de l'usine Ascoval le 15 mai. Les salariés, eux, devront attendre la fin de l'année pour espérer reprendre leur activité à temps complet. Jour après jour, les manifestations se poursuivent au Venezuela. Ici, des rafales d'armes automatiques pour disperser les manifestants. Depuis plusieurs jours, les États-Unis font planer la menace d'une intervention militaire pour renverser le régime de Maduro. Manon Aubry, le gouvernement veut faire le ménage dans les niches fiscales accordées aux entreprises. Qu'est-ce qu'il faut, il faut commencer par quoi, à vos yeux ? Il était temps et moi j'invite le gouvernement à un peu plus de cohérence parce que je me souviens au dernier budget et au dernier réexamen du projet de loi de finances, quand je travaillais dans le secteur associatif et qu'on avait proposé un examen attentif des niches fiscales qui se solderaient par une suppression d'un certain nombre d'entre elles, le gouvernement n'a rien fait, il n'a pas accepté cet amendement. Alors, qu'est-ce qu'il faut supprimer en premier ? Une proposition, par exemple, le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui coûte cette année 40 milliards d'euros. Il faut peser vraiment 40 milliards d'euros, c'est énorme, c'est la moitié du budget de l'éducation. Il faut le supprimer. Et donc, il faut le supprimer parce que... Le gouvernement dit non. Hein. Mais, et c'est donc là où j'invite le gouvernement à un peu de cohérence, parce que des études ont été faites... sur le CICE. Et on sait que chaque emploi coûte plusieurs centaines de milliers d'euros tellement le dispositif est inefficace. Les grandes entreprises prennent l'argent et ne créent pas d'emploi. C'est un crédit d'emploi qui est inutile, un crédit d'impôt, pardon, qui est inutile et qui doit être supprimé. Mais là aussi, le gouvernement manque un peu de suite dans les idées. Pourtant, la baisse des impôts, ça reste la priorité du gouvernement. En tout cas, c'est présenté comme tel. La France, c'est le pays où les impôts et les taxes sont les plus élevés en Europe. Est-ce qu'on peut continuer comme ça ? C'est faux. C'est faux. Vous comparez des poires à des patates. Vous comparez le taux de prélèvement obligatoire. Et le taux de prélèvement obligatoire inclut les cotisations sociales, qui est une forme de salaire différé. D'accord, c'est sûr. Alors c'est que vrai, dans d'autres pays, c'est des impôts. Tout est dedans. Mais c'est important parce qu'on nous fait croire qu'on paye le plus d'impôts au monde. Mais vous savez, là où, en fait, en réalité, ceux qui payent de moins en moins d'impôts, ce sont les plus riches, ce sont les grandes entreprises multinationales. Parce que le gouvernement multiplie les cadeaux à leur égard. 3 milliards d'euros avec l'ISF. Plus de 2 milliards d'euros avec la flat tax, la baisse de l'impôt sur les sociétés des grandes entreprises, aucune action dans la lutte contre l'évasion fiscale. Voilà le bilan du gouvernement, voilà leur vision de la justice fiscale. Alors c'est sûr, on baisse les impôts, mais pour qui ? Pour les plus riches. Alors il y a l'idée quand même d'une fiscalité européenne sur l'environnement qui vient dans le débat là, de la campagne électorale. Raphaël Glucksmann, par exemple, aimerait bien un budget européen, par exemple, de l'écologie ou de l'environnement. Nathalie Loiseau, de La République En Marche, qui, là, aujourd'hui, estime qu'il faut mettre en place une taxation du kérosène sur les vols intérieurs à l'intérieur de l'Europe. Ça va dans votre sens, ça ? J'invite mes amis et l'ensemble des personnes qui font campagne pour ces élections européennes à un peu de cohérence. Mais ça va dans votre sens. Alors, je vais vous dire comment M. Glucksmann peut défendre un taux d'imposition commun pour financer la transition écologique quand ils veulent rester dans le cadre des traités européens actuels qui interdisent l'harmonisation fiscale et qui interdisent la mise en place de cet impôt. Nous, nous sommes en faveur, mais nous allons jusqu'au bout de la démarche en proposant d'autres règles européennes qui sortent des règles actuelles, qui empêchent ces règles-là. Et puis, Mme Loiseau, elle dit aussi dans son interview au JDD, elle dit qu'il faut conditionner la signature des accords de libre-échange au respect d'un certain nombre de normes écologiques. Bah, allez jusqu'au bout, Mme Loiseau, pourquoi vous acceptez le CETA? Donc j'invite ici solennellement, si elle nous regarde, sûrement. Mme Loiseau a demandé à l'ensemble de ses députés de La République En Marche à ne pas ratifier le CETA, qui est l'accord avec le Canada, puisqu'il n'a pas encore été ratifié par l'Assemblée nationale, et qu'il y a une étude qui dit que ça a un impact négatif et nocif pour l'environnement. Allez, un peu de cohérence, je pense que ça fera un peu du bien à la politique. Ascoval, la scierie de Saint-Saulve, près de Valenciennes, va être achetée par British Steel, 270 emplois sauvés. Est-ce que c'est l'aspect positif du Brexit ? Parce que cette entreprise, elle vient investir en France pour éviter d'être isolée en cas de Brexit. D'abord, c'est un soulagement pour ces 270 employés. Vous savez, c'est 4 ans d'errance à Ascoval et 4 ans d'incertitude. On aurait pu éviter cette situation. Donc, si l'État français avait accepté d'investir... Mais le Brexit a du bon. D'investir. Non, ça n'a rien à voir avec le Brexit. Juste pour savoir un peu ce qui s'est passé, British Steel, en l'occurrence, avait investi dans Hayange avant même le Brexit. Et il y a une cohérence entre Hayange et Ascoval, puisque Ascoval va fournir en acier Hayange, qui va produire des rails. Donc il y a une forme de cohérence, tant mieux. Mais je pense qu'on aurait pu éviter ces 4 ans de difficultés pour les salariés et d'incertitudes si l'État avait voulu mettre la main à la poche. Et je pense que c'est intéressant d'autant plus pour ces entreprises qui jouent un rôle dans la transition écologique. Alors, et ça remet en cause de nouveau ces règles européennes qui empêchent de sauver des entreprises de la sorte. L'État français et l'Allemagne, qui viennent de donner le coup d'envoi à la création, pour l'instant ça n'est que le début, d'une filière européenne pour fabriquer des batteries de véhicules électriques. Est-ce que c'est réalisable ? Est-ce que c'est souhaitable ? Oui, je pense que... C'est une bonne idée. Je pense que c'est souhaitable. Et c'est une bonne idée ? C'est plutôt une bonne idée, mais là aussi, il faut de la cohérence sur les politiques européennes. On sait qu'à plusieurs reprises, la Commission européenne a empêché la fusion d'entreprises pour créer des géants européens qui jouent un rôle industriel important vis-à-vis de la concurrence internationale. Et je crois que c'est le rôle de l'Union européenne de permettre l'essor d'entreprises qui soient compétitives au niveau international, mais surtout qu'on protège notre économie, notre marché vis-à-vis d'une concurrence qui est déloyale parce qu'elle ne respecte pas des normes environnementales ou des normes sociales qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Le Venezuela, Nicolas Maduro est menacé par son opposant Juan Guaido et l'Union européenne a pris position régulièrement pour demander le départ de Nicolas Maduro. L'Union européenne est-elle dans son rôle ? Je crois qu'il faut une stratégie d'apaisement. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est qui que... qui doit la mener, cette stratégie d'apaisement hein. Des États tiers. Mais vous savez, le Mexique, par exemple, avait proposé une médiation entre les différentes parties prenantes. L'Organisation des Nations Unies l'a proposé également. Nous, nous inscrivons dans cette démarche de désescalade. Et plutôt que jeter de l'huile sur le feu, comme le fait Emmanuel Macron ou les États-Unis de Donald Trump, qui, ensemble, poussent Juan Guaido et poussent ce coup d'État, je pense qu'il faut être vigilant et chercher une sortie par le haut. Une sortie par le haut, c'est-à-dire que vous imaginez éventuellement que Nicolas Maduro puisse quitter le pouvoir? Alors, il a été élu démocratiquement, mais s'il le faut, il peut se tenir de nouvelles élections. Mais l'enjeu, là, c'est arrêter la violence qui se déchaîne dans les rues avec des morts. Mais de la part de qui? Des deux côtés. Vous savez, quand vous avez un conflit de cette nature-là, l'enjeu n'est pas de soutenir l'un ou l'autre pour qu'ils se tapent encore plus dessus, mais comment on peut faire en sorte de pacifier les relations. Et donc pour ça, il y a une stratégie de médiation, notamment celle des Nations Unies. La France devrait y apporter sa part ? À la stratégie des Nations Unies, bien sûr. Non, mais la France elle-même, est-ce que la France a une voix particulière à tenir au Venezuela ? Vous nous voyez aller faire la guerre au Venezuela, franchement, c'est... Ou la médiation ? Alors, la médiation, je vous le dis, elle est proposée dans le cadre des Nations Unies. Je pense que nous devons la soutenir. En revanche, Emmanuel Macron a fait tout l'inverse de soutenir ce qui est un coup d'État orchestré en partie par Donald Trump. Je trouve que c'est une politique étrangère largement discutable. On va accueillir maintenant Éric Hackmann, grand reporter politique à Paris Match. Bonjour Éric. Bonjour Francis, bonjour Manon Bri. À 29 ans, vous voilà à mener campagne pour les européennes, à jouer donc le premier rôle. Ouais, ou un peu distinguant par rapport aux autres, quoi. Vous voulez voter pour une écologie populaire et cohérente, ou je sais pas. Donc ça serait, vous voulez empêcher Macron de poursuivre sa politique ouais. Ouais. Vous voulez empêcher Macron de poursuivre sa politique injuste en faveur des plus riches. Et Jean-Luc Mélenchon pour... Là, vous voyez. Non, attendez, vous voulez vérifier s'il est sous le bureau ? Il n'a pas appelé, il n'appelle pas, il ne suit pas. Vous voyez, vous avez la preuve par la pratique que non, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui tire toutes les ficelles de manière discrète. On vous rassure, c'est bien la voix de Manuel Bompard que vous avez au téléphone. Je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez ce tract, il n'y a pas une faute ? Non, c'est exprès. La voie, le chemin. Les gens vous appellent Manon. Ils disent même « dites Manon à Macron ». J'ai découvert le siège, je pensais qu'ils avaient un immeuble entier et que c'était une énorme machine. En fait, c'est un siège relativement petit et surtout tenu par des bénévoles et des militants. En fait, il y a assez peu de salariés, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est toujours un peu bizarre de voir sa tête, mais le pire, c'est de voir sa tête dans la rue, sur des affiches. Il y a une forme de violence en politique, oui, de misogynie. Parce que quoi, je suis une jeune femme qui vient du milieu associatif, je ne suis pas capable de mener la liste pour ces élections. La France insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon. Homme rien paternaliste quand même. Je l'ai lu... Non, justement. Qui vous appelle la grande ? Non, il m'a dit une fois ma grande et en effet je lui ai dit je déteste qu'on m'appelle ma grande et je peux vous dire qu'il s'en est souvenu. Il n'y a aucune raison qu'on change à partir du moment où on fait de la politique, aucune. Donc on reste avec nos baskets et notre sac à dos et on va tracter. Il pleut même plus, tu vois. Non, tu arrives, ça y est, il pleut plus. C'est la candidate la plus lumineuse de toute la campagne, je trouve. Hein. Et vraiment, en plus... Vous dites lumineuse, quoi ? Bah, regardez-la. Manon Aubry. Merci, Daniel. Éric Hackmann, Manon Aubry. Alors, les élections européennes, c'est donc le 26 mai, c'est dans 3 semaines maintenant. Demain, je crois savoir que vous lancez une nouvelle phase de votre campagne. En quelques mots, ça consiste en quoi ? Vous accélérez ? Oui, c'est la quatrième phase de notre campagne qui a démarré début décembre avec la publication de notre programme. Il va y avoir de nouvelles grandes étapes dans les trois semaines qui arrivent. Les principales, un meeting à Marseille samedi prochain avec tous nos partenaires européens. Un atelier en ligne, on va lancer une grande initiative un peu innovante d'un atelier en ligne pour travailler collectivement avec des citoyens à l'élaboration de directives européennes le 13 mai prochain, lesquelles directives nous présenterons le 19 mai prochain lors d'un grand meeting place Stalingrad à Paris. Et puis une grande opération, dites Manon à Macron, lancée par François Ruffin, où on ira tous dans la rue dire Manon à Macron le 18 mai prochain. Très voilà bien. Pour les grandes étapes. Alors, il va falloir faire la différence parce qu'il y a quand même de nombreuses listes en compétition, 33, c'est quasiment du jamais vu. Est-ce que vous craignez une forme de dispersion des voix lors de cette élection ? Pour être honnête, ma première et plus grande crainte, c'est d'abord que les gens se mobilisent ou pas. Et ma plus grande crainte, ça reste l'abstention. Au-delà de la dispersion, il faut d'abord que les gens arrivent jusqu'au bulletin. Il faut qu'ils arrivent chez vous, Manon Aubry. Il y a 9, vous êtes à 9%. Et in fine, évidemment, les sondages. Vous êtes à 9% dans les sondages. Oui. C'est la moitié moins que Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2017. Est-ce que votre campagne patine un petit peu? Venez avec nous pour voir si elle patine. On est, je pense, une des seules forces politiques à faire des meetings avec plus de 1000 personnes, que ce soit à Saint-Brieuc, à Nîmes ou à Bordeaux. Oui, mais 9% dans les sondages. 9% dans les sondages. Bon, alors, l'élection n'a pas encore eu lieu, mais je vous le disais, le premier enjeu pour nous, pour être honnête, c'est vraiment celui de la mobilisation. Et donc moi, je veux dire à tous ceux qui hésiteraient à aller voter, parce qu'on a un taux d'abstention attendu à plus de 60%. Donc à tous ceux qui hésiteraient d'aller voter, je veux leur dire ne pas laisser Emmanuel Macron remporter le scrutin. Ne pas voter, c'est laisser Emmanuel Macron remporter la partie. Vous êtes entré dans cette élection avec un scénario que vous vouliez éviter, c'était la confrontation Rassemblement National LREM en marche. Vous êtes loin, vous, pour l'instant, de pouvoir... je dirais, éviter ce scénario. Vous êtes très loin. Mais est-ce que vous n'avez pas sous-estimé la difficulté de cette campagne? On voit d'ailleurs que ce scénario est en partie orchestré, parce qu'on a Nathalie Loiseau qui refuse de débattre avec quiconque, sauf avec Jordan Bardella. Elle a notamment refusé l'invitation qui était faite par une chaîne pour débattre avec moi. Et puis on voit qu'en se désignant l'un l'autre comme un adversaire de confort, ça capture le débat démocratique. Mais juste revenons au sondage. Et nous voulons apporter une autre voix sur le fond qui pose une alternative à cette politique d'Emmanuel Macron. C'est moitié moins quand même que la présidentielle. C'est moitié moins que la présidentielle. Qui sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon? On a l'impression que vous les avez perdus. Il y a une partie d'entre eux qui hésitent à aller voter le soir du 26 mai, je vous l'ai dit. Et donc c'est un vrai enjeu pour nous de dire à ces gens-là, mais vous savez, tout le temps qu'on passe à répondre sur les sondages, à dire mais pourquoi on en est là, etc., on n'explique pas aux gens quel est l'enjeu de cette élection européenne. On en a parlé déjà. Moi, je veux leur dire que l'Union européenne aussi est présente dans leur quotidien. Ce que vous mangez dans votre assiette, ça a été fait avec des pesticides, c'est une autorisation de l'Union européenne. Parce que vous en faites des sondages. L'évasion fiscale, c'est une politique de l'Union européenne. Vous avez des indicateurs, voilà des exemples concrets. Vous avez des indicateurs qui sont moins alarmistes que ceux... Mais pour nous, ils sont plutôt au beau fixe, je vous le disais. Moi, je sens... campagne au beau fixe. Moi, je sens une vraie dynamique, un vrai enthousiasme de campagne. Est-ce que vous le sentez dans les sondages que vous réalisez vous-même? Et quand je vois des gens qui sont dans la rue s'immobiliser, quand je vois qu'on a autant de gens sur nos meetings mobilisés, autant de gens qui font campagne... Je suis plutôt optimiste et d'ailleurs je les remercie pour... Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'il doutait des sondages, des instituts de sondages et que vous aviez votre propre baromètre. Vous avez donc votre propre baromètre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la même chose que les sondages ou il dit autre chose? Alors je ne peux pas vous dire ce qu'il dit parce que l'objectif c'est de ne pas publier ces sondages. Mais est-ce, qu'il dit plus ou moins? Est-ce qu'il dit plus ou moins? Ils disent plus. D'accord. Ils sont plutôt au beau fixe, mais ils donnent un indicateur commun avec les autres sondages, c'est que la difficulté, c'est celle de la mobilisation. Jean-Luc Mélenchon, il a fini quatrième de l'élection présidentielle, pas loin du podium d'ailleurs. Si vous finissez cinquième, c'est une défaite pour vous? Pour moi, la défaite, je ne sais pas si on peut parler, vous savez, ce n'est pas un seuil victoire ou défaite. Moi, j'essaie de me mettre dans une perspective... C'est une compétition. Pourquoi? Mon ennemi, c'est pas celui que je vais regarder en chien de faïence qui est candidat à côté de moi. Mon ennemi, c'est une politique globale qui est menée. Franchement, ce serait de la vieille politique se dire, je sais pas, Yannick Jadot serait mon ennemi. Moi, c'est pas mon ennemi. Ce qui est mon ennemi. Tiens, justement, je voulais vous parler de lui. Vous partagez l'écologie. Votre priorité, c'est l'écologie. Vous êtes à touche-touche dans les aides. L'écologie, vous avez remarqué que c'est un totem qui est agité maintenant par l'ensemble des listes. Justement, est-ce que votre éventuel succès passe par la défaite, quelque part, de Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts? Pour moi, le succès, il passe par convaincre un maximum de gens. Et donc, pour convaincre un maximum de gens, notamment ce qui explique qu'on n'est pas une liste commune avec Europe Écologie Les Verts, même si on peut partager un certain nombre de choses, c'est la cohérence. Aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts est pour ce qu'on appelle le semestre européen, qui est un contrôle budgétaire fait par l'Union européenne, qui impose l'austérité budgétaire sur nos services publics. D'accord. Et sur la transition écologique, où ils sont pour les traités européens actuels, qui empêchent d'investir massivement des dizaines de milliards d'euros qui sont nécessaires pour faire la transition écologique, où ils sont pour aussi ces traités qui imposent le libre-échange qui organisent ce déménagement. Juste après les élections européennes, on va en parler de quelques secondes, vous avez été une des premières à lancer l'idée, le 26 mai, d'un référendum anti-Macron. Si Emmanuel Macron, en tout cas la majorité présidentielle, termine deuxième, est-ce que vous applaudirez, quelle que soit la situation? Non, moi je ne me satisferai jamais d'un succès, parce que dans votre hypothèse, d'un succès du Rassemblement National. Vous n'applaudirez pas. Vous savez, j'ai grandi dans le Var, j'ai grandi avec le Front National. Je sais à quel point leurs idées sont nauséabondes. Je sais à quel point ils mentent aux gens. Et d'ailleurs, on oublie avec eux, le Front National, c'est eux qui étaient majoritaires au Parlement européen pour la France. Ils avaient plus de 24 députés. quel est leur bilan? Ils se sont abstenus sur le travail détaché. Ils n'étaient pas là au moment du vote des accords de libre-échange. Ils ont voté contre l'égalité femmes-hommes. Donc jamais je m'en satisferai. Alors vous allez sans doute siéger au Parlement européen. J'espère, avec le soutien des gens. Est-ce que vous allez reprendre un peu la méthode des insoumis à l'Assemblée nationale, à savoir travail, certes, mais aussi le coup d'éclat permanent? Plus que le coup d'éclat, vous savez, moi j'ai suivi très près dans mon métier avant. J'ai suivi très près dans mon métier avant le travail des députés à l'Assemblée nationale. Et ça m'a en partie convaincue de les rejoindre parce qu'ils sont à la fois une force d'opposition et une force de proposition, un peu des députés de combat qui mènent le combat à la fois sur le terrain et qui ne sont pas déconnectés donc de la vie des gens. Donc ce sera le même style. Quand on voit François Ruffin, oui, pour moi, c'est un style qui m'inspire. Il vous inspire quelque part. Plutôt, oui, plutôt, il m'inspire. Et ce député reporter qui, on aime ou on n'aime pas François Ruffin, mais on ne peut pas lui reprocher d'être proche des gens. Et je crois que c'est une des plus grandes forces de la France insoumise. On est des Merci. Citoyens au milieu d'autres citoyens. Merci Éric. Merci. L'Europe Merci qui est parfois la piste aux étoiles. Les Allemands, entre autres, remettent en cause Strasbourg comme siège du Parlement européen. Est-ce que vous soutenez Strasbourg, Mordicus? Bien sûr, je soutiens Strasbourg, mais pas parce que c'est franco-français et cocorico, parce que Strasbourg, c'est le fruit d'une histoire, d'une réconciliation franco-allemande où dans les institutions européennes, quasiment chaque État européen a des institutions. Il se trouve que le Parlement se trouve à Strasbourg. Et à c'est Bruxelles. Un peu... Et à Bruxelles. Et à Bruxelles, bien sûr. Donc il faut garder les deux. Bien sûr. Il faut garder les deux. Et je pense que cette espèce de petite guéguerre est un peu ridicule et finalement s'éloigne des vrais enjeux. Tout ça, c'est mais loin vous, des gens. S'il y a un vote, vous voterez pour le maintien de Strasbourg. Oui, c'est clair sans ambiguïté. Mercredi 8 mai, on commémorera la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. C'est ce qui a donné le coup d'envoi à l'Europe d'ailleurs. Emmanuel Macron, lui, défend l'idée d'une armée européenne. Vous y êtes opposé? Mais qu'est-ce qu'aurait fait cette armée européenne, par exemple, au moment de l'invasion de l'Irak? Il y avait 15 États qui étaient pour l'invasion de l'Irak. La France, à l'époque, était contre. Et donc, elle aurait fait quoi, cette armée européenne? Elle y serait allée ou pas? Donc, la question n'est pas de l'armée. La question est, est-ce qu'on est capable d'avoir une politique commune de défense qui, pour le moment, non. Et elle est arrimée à l'OTAN, en plus des États-Unis de Donald Trump, et c'est un véritable danger en la matière. C'est l'Europe de la guerre. On va terminer avec une image. C'est la une de l'Équipe Magazine de cette semaine qui a beaucoup fait parler. Pourquoi on vous la met? Parce que vous faites du water polo. Et c'est l'équipe un excellent sport. De France de water polo gay qui pose là à la une. Et il se trouve qu'un marchand de journaux parisien a refusé de vendre le magazine parce qu'il estimait que c'était intenable, cette image. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est inadmissible et donc il faut lutter avec vigueur et sans ambiguïté contre tous les actes homophobes, y compris dans le sport. Et pour vous dire, quand il s'agit de lutte contre l'homophobie, moi, j'aurais pas piscine. Et là, il faut des mesures, des sanctions judiciaires. Il faut des sanctions, et y compris des poursuites judiciaires à l'encontre de ce kiosquier. C'est intolérable qu'en 2019, on en soit arrivé là. Merci Manon Aubry d'avoir accepté notre invitation. Dans Dimanche en politique, à retrouver sur France.tv, le site de France Info et le compte Twitter de l'émission. Et Catherine. Que venimos a defender. La revolución cubana que venimos a defender, la revolución cubana, porque es hermosa mela de la lucha americana, porque es hermosa mela de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankees no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankees no. Yanqui las escuelas se convierten en cuartelas, con el yanqui las escuelas se convierten en cuartelas, pero en Cuba se acabaron esos malos procederes, pero en Cuba se acabaron esos malos procederes. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, yanquis no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, yanquis no. Dicen los americanos que Fidel es comunista. Dicen los americanos que Fidel es comunista. Mano dicen que Batista mató 20,000 cubanos. Mano dicen que Batista mató 20,000 cubanos. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanquis no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanquis no. Las cosas de Fidel son cosas de buen marxista. Si las cosas de Fidel son cosas de buen marxista, que me ponga en la lista, que soy de acuerdo con él, que me ponga en la lista, que soy de acuerdo con él. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, y aquí no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, y aquí no. Charline Vanhoenacker, un touriste saoudien vient de perdre la vie en prenant un selfie. Il s'est trop penché au bord du Nil. Et il est tombé à la flotte, comme Narcisse, mais avec son smartphone. Et cet homme ajoute son nom à tous ceux qui sont tombés pour Instagram. Une récente étude a recensé 259 décès en 6 ans dus à des selfies trop périlleux. Chaque époque a le désastre qu'elle mérite, la peste, le choléra ou l'autoportrait. On a toujours dit que le ridicule ne tue pas. J'ai comme l'impression qu'il a décidé de s'y mettre. Parce que le selficide tue désormais plus que les attaques de requins. Avec les réseaux sociaux, on assiste au concours de celui qui va faire le truc le plus dangereux. Une photo à côté d'un ours, une photo à côté d'un lion, une photo à côté de Dominique Seux à la fête de l'Huma. Les gens sont prêts à tout pour épater leurs followers. La palme revient à ce Mexicain qui s'est pris en photo avec un pistolet sur la tempe dans une main, le téléphone dans l'autre, en actionnant le mauvais doigt. Attention également si vous prenez un selfie armé d'un pistolet à eau, car cela peut provoquer une mort sociale. Et puis pensez à la gêne de l'entourage de ces gens disparu d'une façon aussi tarte. Quand on leur dit « Mais qu'est-ce qui est arrivé à Michel? Il avait tellement l'air en forme samedi dernier !» Il faut expliquer que Michel a été assez con que pour se tuer en prenant lui-même en photo. Alors, l'oraison funèbre, alors la bonne chance. « Michel, tu pars en laissant derrière toi des milliers de souvenirs sous ton meilleur profil, le droit. » Toujours souriant avec cette expression que nous connaissons tous, puisque c'était la même sur tous tes posts Instagram, cette fois-ci c'était celui de trop. Tu n'aurais pas dû tourner le dos à ce cobra royal lors de ton séjour en Thaïlande, mais malheureusement tu étais trop passionné. Passionné par les serpents, passionné par la photo et surtout passionné par toi-même. Tu serais si heureux, Michel, de voir aujourd'hui tous les likes sous ton dernier selfie. Tes 234 followers sont aujourd'hui orphelins. La vie sans toi paraît triste comme un filtre sépia. Malgré tout, nous te savons en paix car tu pars accompagné de ce qui t'était le plus cher, ta perche à selfie, ton iPhone 7 et ta femme. N'oublie pas, une fois arrivé au paradis, d'essayer de gratter une photo à côté de Saint-Pierre. Voilà. Bon, qui veut prendre un dernier selfie avec Michel? Parce que c'est le moment, là. Hein. Voilà. Est-ce qu'un héros, ça prend des selfies? Est-ce qu'Indiana Jones, quand il trouve le Graal, il fait un selfie avec? Non, le véritable héros reste humble. La prochaine fois que vous voulez faire un selfie à couper le souffle, réfléchissez bien, ça pourrait surtout couper le vôtre. Charline Vanhoenacker, merci. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, on vient de voir dans ce reportage combien l'Europe peut peser sur la vie des citoyens européens. Et pourtant, en France, la participation qui s'annonce pour le 26 mai ne dépasserait pas les 40%. Comment vous expliquez ce rejet, ce désintérêt? D'abord, il y a un rejet général de toutes les institutions politiques en France. C'est d'ailleurs ce que ne comprend pas bien M. Macron. Il croit qu'il a affaire à une grogne sociale, il a affaire à une crise politique et c'est à elle qu'il faut répondre. Donc d'une manière générale, il y a ce problème. Et puis après, il y en a un autre, c'est qu'en France, nous sommes le pays qui a voté non et à qui les dirigeants ont dit « Ah, on a bien reçu le message, c'est oui ». Et donc depuis ce viol de 2005, tout va sur de guingois. Voilà. Et puis il y a eu, si vous voulez, c'est comme l'amour et le désamour, quoi. Les gens ont tellement aimé l'Europe que lorsque soudain ils se sont aperçus que cette machine qui avait été faite pour imaginer la paix, le social, toutes les choses bonnes, quoi, auxquelles on aspire, se transformer en son contraire, il y a eu une espèce de rage, l'impression de s'être fait enfumer et qui est juste. Là, vous venez de faire un très beau reportage sur la Grèce. On voit les points de vue différents. Mais enfin, c'est l'Union européenne qui a infligé à la Grèce un remède de cheval qui a failli la tuer. Qui lui a évité la faillite aussi, il faut être clair. Mais, il faut... Attendez, laissez-moi finir la phrase. La faillite de qui, s'il vous plaît? Ah bah de l'État. Non, des banques. Alors, qui avait si prêté vous à l'État. Dire, non, non, pardon. Attendez, ce point a une très grande importance parce que c'est la faillite des banques. L'Europe a donné des sous aux banques pour qu'elles se tirent d'affaires en Grèce. Pourquoi ça a un rapport avec nous? Ça veut dire que la Grèce, la quasi-totalité de ses titres de dette sont à la Banque Centrale Européenne qui a été inventée pour aider l'Europe, pas pour la prendre à la gorge. Et nous autres Français, qui le sait? 25% de la dette française, vous m'entendez, de l'État français, 25% a été rachetée par la Banque Centrale Européenne. Et vous, moi, quand nous payons nos impôts, nous payons une part de la dette à la Banque Centrale. Excusez-moi, c'est un peu technique, mais c'est une histoire de fou. on crée une banque centrale qui, au lieu de prêter aux États pour relancer l'économie, ne prête qu'aux banques privées et ne favorise que les banques privées qui, elles, ne s'occupent pas de l'économie réelle. Vous le savez aussi bien que moi. Alors, pour les prochaines élections européennes, la liste emmenée par Manon Aubry, qui représente votre parti, arrive à peine à 9% dans les sondages. Vous aviez fait 19% à la dernière présidentielle. Et ouais. Où sont passés vos électeurs ? Alors, ils ont déjà du mérite d'être aussi nombreux à continuer à nous soutenir, compte tenu du traitement que nous avons subi ces derniers mois. Mais oui, c'est vrai, nous sommes ceux qui votent le moins à l'élection européenne. Croyez bien que ça ne me fait pas plaisir. Et du coup, je mets en garde mes amis et nos électeurs. Moi, je comprends vos raisons qui, intellectuellement, vous poussent à dire « Pourquoi irais-je voter pour quelque chose que je combats ?» Mais si vous ne le faites pas, vous allez laisser M. Macron sortir triomphateur et vous allez voir ce qu'il va vous mettre. Hein. Ce n'est pas des solutions européennes qu'il a dans la tête. C'est vous prendre vos retraites par répartition, c'est changer les institutions et diminuer le nombre de vos élus. C'est un programme social et politique très dur qui s'annonce. Je vous arrête parce que le président, en l'occurrence, il a mis sur la table quand même ces derniers mois entre 17 et 20 milliards d'euros, un coup de pouce au pouvoir d'achat qui, paraît-il, ne s'était pas vu depuis 2007. Est-ce que vous lui reconnaissez ça au moins ? Non, bien sûr. Mais d'abord, commençons par regarder une chose. Quel a été le résultat ? Il y a eu 10 milliards. Aussitôt, on a vu la production reprendre dans le pays. Donc, c'est bien la preuve que ma thèse est fondée. La politique du carnet de commandes, c'est une politique qui redonne du pouvoir d'achat aux gens. Mais dans ce pays, tout est ramené sans cesse à l'État et aux impôts. Pourquoi ne partagerait-on pas plutôt la richesse à la source ? C'est-à-dire là où elle est produite, dans l'entreprise. Savez-vous que aujourd'hui, on travaille 45 jours par an pour payer les dividendes aux actionnaires privés. En 1986, c'était à peine 11 jours. Ce qui veut dire qu'il y a une prédation qui se fait des uns sur les autres qui est insupportable. Et comme nous sommes un vieux pays d'égalité, eh bien, ça ne passe pas. Donc, le rétablissement de l'équilibre social, c'est repartager la richesse dans d'autres conditions. Rapidement, je voudrais, évoquer avec vous le mouvement des Gilets jaunes, parce que ça a marqué les derniers mois de la vie politique de notre pays. Ils étaient à peine 20 000 hier dans la rue. Est-ce que ça veut dire que beaucoup de Français veulent passer à autre chose, à une autre forme d'action, ou est-ce que vous souhaitez qu'ils retournent dans la rue? D'abord, moi, je ne peux faire que, comme tout le monde, voir et choisir mon camp. J'observe que les Gilets jaunes sont mobilisés, que ça fait 25 semaines qu'on dit qu'ils s'essoufflent. Il y a donc 25 semaines que j'appuie de toutes mes forces et de mon enthousiasme ce mouvement qui est l'objet de toutes les manipulations possibles de la part du pouvoir. On vient de le voir encore dans l'épisode désastreux de la Salpêtrière où le ministre de l'Intérieur a menti. Mais voyez-vous, il ne faut pas s'y tromper. Les Français sont à un haut niveau d'exigence politique. J'ai dit à l'instant qu'il faut partager la richesse. Il faut partager et donner la possibilité au peuple d'intervenir directement dans les affaires publiques, je ne dis pas tout le temps, mais c'était à ça que servait le référendum d'initiative citoyenne dont le président n'a pas voulu. Et j'ajoute enfin, ne vous y trompez pas. Quand vous avez un vendredi sur deux des jeunes qui défilent dans la rue sur le climat, c'est qu'il y a un haut niveau de conscience du danger que court l'humanité. Moi, je trouve ça enthousiasmant de voir que la population s'implique dans ces affaires politiques. Donc, sur les européennes, j'espère que, en tout cas les nôtres, ceux qui sont de d'autres familles indisciplinées et insoumises, vont venir aider Manon Aubry. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'être venu délivrer votre message ce soir. Et nous parlons d'épigénétique. J'ai bien dit épigénétique. Vous entendez plus souvent parler de génétique, c'est-à-dire ce qui correspond à l'étude des gènes. L'épigénétique, ça va un petit peu au-delà, puisque c'est essayer de comprendre comment ces gènes vont être utilisés ou pas par une cellule et en quoi notre environnement va moduler l'expression du gène. Alors tout ça est un peu complexe, mais les chercheurs ont fait d'immenses progrès, en particulier l'équipe dirigée par Edith Hurd, qui est votre invitée, une équipe qui travaille à l'Institut Curie, une unité de recherche de génétique et biologie du développement, et vous êtes également professeur au Collège de France. Alors, Edith Hurd en plus, comme elle travaille dans ce domaine depuis longtemps, eh bien, elle va recevoir dans quelques jours ce Grand Prix INSERM 2017. Vous savez, chaque année, cette distinction de la recherche française. On va revenir sur la définition. Quand on dit épigénétique pour une chercheuse, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à comprendre comment les gènes sont régulés de manière différente dans différentes cellules. Donc l'épigénétique, c'est tous les changements d'expression des gènes qui sont stables, réversible éventuellement, mais qui ne comporte pas des changements au niveau de l'ADN. C'est-à-dire, la séquence de l'ADN, elle reste... On a tous normalement le même patrimoine dans toutes les cellules. Toutes les cellules, ou quasiment toutes les cellules de notre corps, contiennent le même patrimoine génétique, le même génome, le même ADN. Mais certaines parties du génome sont utilisées et pas d'autres dans différentes cellules. Et donc, cette utilisation différentielle des gènes ou du génome conduit à l'identité cellulaire. On a différents types de cellules. Donc, certains gènes doivent être exprimés dans la peau et d'autres pas. Et dans l'œil, par exemple, dans la rétine, il y a d'autres gènes qui doivent être exprimés et d'autres qui doivent être réprimés. Et donc, l'épigénétique, c'est le maintien de ces états stables d'expression ou d'inexpression, d'inactivité. Mais donc c'est différent des mutations, parce qu'on parle dans certaines maladies comme la mucoviscidose, etc., de mutations, ça n'a rien à voir. C'est lié bien sûr à la séquence de l'ADN, mais effectivement les changements épigénétiques ne concernent pas un changement au niveau de la séquence de l'ADN. Ils peuvent être, les changements épigénétiques sont dirigés par l'ADN, mais l'ADN reste intact. Donc on peut avoir au sein d'une cellule un gène qui reste dans un état actif et une copie identique sur l'autre chromosome qui reste inactif. Et la séquence peut être identique, mais l'état épigénétique est différent. Alors vous avez mené des travaux plus spécialement sur le chromosome X. En quelques mots simples, parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Le chromosome X, c'est l'exemple par excellence d'un phénomène épigénétique à l'échelle d'un chromosome. Donc, chez les femmes, il y a deux chromosomes X. Chez les hommes, il y a un X et un Y. Et cette différence de dose au niveau d'un chromosome entier peut poser pose problème. Le chromosome X porte plus que 1000 gènes et avoir deux copies de chacun de ces 1000 gènes chez les femmes conduit à une inégalité qui est intolérable par rapport à ce qui se passe chez l'homme. Donc au cours de l'embryogenèse, au cours du développement, il faut inactiver un des deux chromosomes X. Il faut l'éteindre. L'ADN reste le même, il est toujours là. L'embryon femelle a deux chromosomes X, mais un des deux X est mis en veille, est éteint, et l'autre reste actif. Et donc c'est ce processus d'inactivation qui est un processus épigénétique que mon équipe étudie depuis très longtemps. Et donc, les applications qu'on peut en tirer concernent aussi des maladies que l'on connaît bien, comme le cancer ou les maladies neurodégénératives ? Voilà, notre équipe travaille surtout sur la base, on va dire, physiologique de l'inactivation du X, comprendre comment les changements épigénétiques conduisent à cette extinction de l'expression des gènes et de manière stable. Mais nous cherchons aussi à comprendre comment cette stabilité peut être perturbée dans certaines situations, comme dans le cancer. Et travaillons à l'Institut Curie, il est évident que nous sommes intéressés par l'instabilité épigénétique qu'on trouve très souvent dans les tumeurs. Et donc nous essayons de comprendre comment en fait le chromosome X inactif, qui globalement est silencieux dans une cellule normale, devient un petit peu exprimé. Il y a des gènes qui commencent à s'exprimer de manière aberrante. Donc si on comprend les changements épigénétiques qui sont perturbés à l'échelle du chromosome X dans le cancer, peut-être on peut comprendre comment, à d'autres régions du génome, dans des tumeurs, les changements épigénétiques peuvent avoir un impact sur l'expression des gènes et donc peuvent peut-être contribuer au déroulement de la tumorigénèse. Ouais. Mais donc, si on a ces modifications, est-ce qu'on pourrait imaginer que les médicaments peuvent aller remodifier dans l'autre sens ? C'est tout à fait ça. C'est l'espoir que ces changements épigénétiques, comme je l'ai dit, sont réversibles. Et donc, l'idée, c'est que peut-être avec certaines drogues, médicaments, on peut réverser un état. Donc, si on a un gène qui ne doit pas être exprimé normalement dans une cellule et qui devient réexprimé dans une cellule tumorale et qui conduit à une prolifération plus importante, si cette réexpression est due à un changement épigénétique et non pas à une mutation au sein du gène, on peut imaginer de revenir, le mettre en silence avec certaines drogues qui peuvent moduler l'activité de la machinerie épigénétique. Donc ça, c'est le rêve. En réalité, il y a quelques drogues qui peuvent vraiment affecter l'état épigénétique de tel ou tel gène et qui peuvent avoir un impact en clinique. Mais effectivement, on n'a pas besoin d'aller modifier le génome pour corriger une épimutation. Une épimutation, c'est un changement épigénétique qui peut être mis en place ou retiré par des traitements pharmacologiques éventuellement. Donc vous comprenez pourquoi Edith Hurd a eu ce prix INSERM 2017. C'est un petit peu compliqué, mais vous voyez que toutes ces recherches fondamentales ont des véritables applications pratiques. Et ce sera donc peut-être la médecine de demain. Merci beaucoup. Sans transition et sans lien direct, le livre de la semaine. Eh bien, vous savez, les vaccins font polémique. Polémiques et surtout entretiennent des doutes, eh bien les vaccins pour les nuls, c'est un travail extrêmement sérieux, indépendant, objectif, qui va essayer de vous donner les clés qui vous permettront après de choisir en toute connaissance de cause les vaccins pour les nuls dans la série éponyme. Voilà, et puis n'oubliez pas, bien évidemment, on se retrouve comme chaque semaine, comme chaque week-end, dans la page santé du Parisien Week-end. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine sur bfmtv.com et d'ici là, portez-vous bien. Retrouvez toute l'actualité de la santé sur le site bfmtv.com. Son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner, comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui, sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Wesh wesh les amis. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur un scandale qui indigne toutes les familles politiques. Il s'agit de la privatisation des barrages hydroélectriques. Alors ce truc-là, c'est comme les autoroutes, c'est une poule aux œufs d'or. Dites-vous que les barrages, bah comme les autoroutes, ça coûte très cher à l'investissement. Et l'investissement, il a été fait par l'État, c'est-à-dire par l'argent des citoyens. Et maintenant, comme c'est amorti, ça rapporte des bénéfices. Et ces bénéfices, parce que la Commission européenne l'exige, eh ben on va les filer en grande partie au privé. Et ce qu'il y a de vraiment scandaleux dans cette histoire de privatisation des barrages, c'est que on est le seul pays européen à accepter de privatiser ces grands investissements qui ont été réalisés à fonds publics. D'abord, il y a un truc à comprendre, c'est que les barrages, ça sert pas qu'à créer des lacs où on peut barboter l'été, hein, non, c'est pas ça. Les barrages, ça sert d'abord à produire de l'électricité. Et en France, ça produit un paquet d'électricité. Il y a 12% de toute l'électricité qu'on consomme qui est produite dans les barrages. C'est la deuxième source de production d'électricité après le nucléaire. Et c'est la moitié de nos énergies renouvelables qui vient des barrages. Et en gros, le barrage, ça coûte très cher à produire, parce qu'il faut mettre plein de béton. Dites-vous que le plus grand barrage de France, à sa base, c'est plus de 500 mètres d'épaisseur, du coup ça coûte très cher. cher à produire, mais une fois que c'est produit et que c'est payé, qu'on a construit notre barrage, et ben après l'électricité est très très peu chère. Il y a juste à attendre que l'eau elle tombe le long de turbine. Du coup, c'est très peu cher. Et là, c'est tellement peu cher que EDF, comme on a rentabilisé l'essentiel de nos barrages puisqu'on les a construits dans les années 50 ou 70 pour l'essentiel, comme on les a rentabilisés, EDF arrive à dégager un surplus de plus d'un milliard d'euros par an. Et ça, ce surplus, c'est dans la poche d'EDF, et comme EDF est à 85% une entreprise publique, et ben cet argent, il revient dans la poche de l'État, c'est-à-dire dans le pot commun, ou sous la forme de dividendes, ou sous la forme de baisse de tarifs. Du coup, c'est de l'argent qui nous appartient, parce que nous, le public, l'État, on a réalisé les gros investissements pour construire ces barrages. Et quand on vous dit que ça rapporte plus d'un milliard par an, dites-vous que c'est la même chose que les autoroutes, parce que chaque année, les sociétés autoroutières, sur toute la France, hein, sur l'ensemble du territoire, ils arrivent à reverser 1,5 milliard de dividendes aux actionnaires. Et ben les barrages, c'est la même poule aux œufs d'or. Chaque année, ça reverse 1,25 milliard à l'EDF et donc à l'État. Du coup, c'est méga important. Et ces barrages-là, la Commission européenne nous demande de les privatiser. Ben pourquoi la Commission européenne exige cette privatisation ? Ben c'est au nom d'un principe politique qui est gravé dans le marbre des traités européens, qui est celui de la concurrence libre et non faussée. Et ça, au nom de ce principe, la Commission européenne, elle regarde tous les monopoles publics et elle exige une ouverture à la concurrence. Elle a fait ça pour la Poste, les transports, en ce moment la SNCF, et elle l'exige aussi des barrages. Donc du coup, elle l'exige même quand l'État a mis tous les investissements au départ. Et là, ce qu'il y a de particulier avec les barrages, c'est que dans toute l'Union européenne, la France est le seul et unique pays qui a accepté de se soumettre à l'exigence de la Commission européenne. Par exemple, l'Allemagne, en 2011, il y avait une négociation avec la Commission, et l'Allemagne a réussi à obtenir que tout le service de l'eau, tout ce qui se passait autour de l'eau, et donc les barrages, bah, devait être sorti des règles européennes du droit de la concurrence. Du coup, il y avait moyen de négocier. Mais en France, on s'est couché et on a accepté de privatiser les barrages. Et ça s'est fait en plusieurs temps. D'abord en 2011, quand l'Allemagne était dans la négociation, bah, la France aurait aussi pu négocier de sortir les barrages et le service de l'eau des droits de la concurrence. Mais Sarkozy et son gouvernement ne l'a pas fait. Donc en 2011, première occasion manquée. La deuxième occasion manquée, c'est en 2015, on a fait la loi sur la transition énergétique. Ça, c'était pendant Hollande. Et à ce moment-là, eh ben, l'Assemblée nationale disposait d'un rapport sur les barrages. Un rapport fait pour, rédigé par des députés à la fois de l'UMP et du PS. Et ce rapport, eh ben, il disait, bah non, faut absolument pas privatiser les barrages. Ça a coûté très cher, bah, aux citoyens français. Maintenant, c'est payé, ça rapporte beaucoup d'argent. Et ils ont donné plein d'autres solutions qui sont compatibles avec le droit de l'Union européenne pour éviter de privatiser les barrages. Donc en 2015, on avait tous les outils pour dire non, non, la Commission, on touche pas aux barrages. Mais, eh ben les députés socialistes, l'idée par Bercy et donc Emmanuel Macron, qui était au ministre de l'économie et des finances, les députés PS ont été obligés d'inscrire dans la loi de transition énergétique que les barrages allaient être ouverts à la concurrence. Donc en 2015, on aurait pu résister, on a choisi de céder. Dans les prochaines années, il y a l'exploitation de 150 barrages qui va être ouverte à la concurrence. Alors on ne sait pas exactement qui va les racheter, combien seront privatisés et quels groupes privés vont empocher la mise, ça on ne sait pas. Mais depuis février 2018, là, depuis tout récemment, on sait un truc. Et ça, c'est Macron qui l'a décidé. Macron, il a décidé que sur ces 150 barrages qui allaient être ouverts à la concurrence, eh ben EDF ne pourrait pas postuler à plus de 60% d'entre eux. Et ça veut dire un truc. Et ce truc-là, faut bien le comprendre. C'est-à-dire que même si EDF, entreprise publique, propose des contrats moins chers, plus sûrs, avec plus de monde, plus efficace et infiniment mieux que la concurrence, eh ben même si EDF propose mieux, il y a 40% de ces 150 barrages qui vont lui échapper. Pourquoi ils vont lui échapper ? Ben, parce que c'est le droit de la concurrence et qu'il faut casser les monopoles publics. Ça, c'est la décision que Macron vient de prendre en février 2018. Et quels sont les types d'entreprises qui pourraient rafler la mise ? Eh ben, il y a deux grands cas de figure. Et le premier, c'est des multinationales de l'énergie européenne ou mondiale. Et là, ce serait marrant, hein, parce qu'il y en a d'un peu tous les pays qui pourraient acheter des parts de nos barrages français à nous, mais il n'y a pas de réciprocité. Nous, EDF ne peut pas aller acheter les barrages de l'Allemagne ou de la Suède. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Ce serait des multinationales de l'énergie européenne ou autre. Et là, ça pose le problème de la réciprocité. Et l'autre cas de figure, c'est si c'est des grandes entreprises privées françaises. Et là, il y a une source proche du dossier, d'après ce que dit l'article, qui montre que ça pourrait être Total qui rachèterait les barrages. Et là, c'est méga ironique. Parce que quand même, c'est nous, les citoyens français, qui avons fait les investissements pour les barrages. Les barrages, c'est de l'énergie hydraulique, renouvelable, renouvelable, non polluante, c'est parfait de chez parfait. Et à qui on va vendre les barrages? À une des entreprises les plus polluantes de France, Total. Et ça s'appelle du greenwashing. Parce que Total, qui nous vend du pétrole, du gaz et tout ce que vous voulez, elle pourra dire, moi, ça va, dans mon bilan carbone, j'ai aussi des énergies renouvelables, j'ai aussi les barrages. Et ça, ce sera offert par qui? Gracieusement par notre gouvernement et l'Union Européenne qui ont demandé la privatisation des barrages. Donc récapitulons cette histoire. Les barrages, ça a coûté très cher. On a payé, nous autres citoyens, très cher pour avoir des barrages. Maintenant, ça fait de la bonne électricité toute pas chère et ça nous rapporte même 1,25 milliard chaque année. Ça, ces barrages qu'on a payés, nous, et qui nous rapportent de l'argent, la Commission Européenne, au nom du dogme de la concurrence libre et non faussée, elle aimerait qu'on le file au privé. Alors ça, c'est tellement absurde que tous les autres pays européens ont refusé. On vous a parlé de l'exemple de l'Allemagne qui a refusé de privatiser ses barrages, mais c'est pareil pour la Suède, la Slovénie et tous les autres pays européens. Il n'y a que nous qui acceptons de les privatiser. Donc, quand vous entendrez Macron dire « l'Europe nous impose de privatiser les barrages », il ment. C'est de sa responsabilité et avant lui, celle de Hollande et de Sarkozy. Donc c'est de la responsabilité de Macron de privatiser nos barrages. On pourrait les sauver. C'est très simple, il n'y a qu'à faire comme ont fait les Allemands, les Slovènes, les Suédois, etc. Il n'y a qu'à les imiter. Donc, partagez absolument cette vidéo pour sauver nos barrages, parce qu'on les a payés, ils nous rapportent de l'argent, exactement le même argent que les autoroutes, il n'y a aucune raison de les donner au privé. Donc partagez cette vidéo pour sauver nos barrages et bien faire comprendre que c'est pas l'UE qui nous impose, c'est Macron qui se soumet. Ciao les copains, on se revoit vite. Thank you. Revue de presse ? Eh ben, si vous assistez. On m'a remis un tract de dernièrement au cours d'une manifestation. Ben, je vais vous en faire profiter. Je suis pas forcément d'accord avec la totalité des lignes citées, mais voilà. Parti ouvrier indépendant démocratique. Pour le socialisme, la République et la démocratie, pour l'internationale ouvrière. Alors, ils ont un site internet, contact.poide.democratique@orange.fr. Déclaration adoptée par le bureau national du POID, réunie le 13 avril 2019. Cette Europe n'est pas la nôtre. Tous à Strasbourg le 11 mai. Point d'exclamation. Travailleurs, jeunes, militants de tous les courants du mouvement ouvrier, nous vous appelons le 11 mai prochain à vous réunir à Strasbourg dans un grand rassemblement internationaliste. Strasbourg, la ville où siège le prétendu Parlement européen, qui n'est en réalité qu'un décor pour envelopper les mesures antidémocratiques, anti-ouvrières, antisociales des institutions de l'Union européenne. À Strasbourg, le 11 mai, nous dirons l'Europe qui privatise, l'Europe qui déréglemente, l'Europe qui impose les plans d'austérité à tous les peuples du continent, cette Europe n'est pas la nôtre. Oui, c'est un fait que les travailleurs et les jeunes en France vérifient quotidiennement. Toutes les contre-réformes du gouvernement, Blanquer, Buzyn, retraite, SNCF, toutes les coupes dans les budgets publics qui entraînent la privatisation et la destruction des services publics, les centaines de milliers d'emplois supprimés, tout découle des traités européens, de la fameuse concurrence libre et non faussée, de l'équilibre imposé de l'euro, des critères de Maastricht et de toutes ces mesures qui démantèlent dans chacun de nos pays les conquêtes ouvrières. Le prétendu Parlement européen n'est rien d'autre qu'une caricature de démocratie, Parlement sans pouvoir, chargé uniquement de camoufler la véritable dictature de la classe capitaliste, qui s'exprime à travers les institutions de l'Union européenne. À Strasbourg, avec nos camarades de toute l'Europe, nous dirons « Il faut en finir avec cette Europe des traités, des critères, de la dictature de la Banque centrale européenne. » Nous dirons « Il faut en finir avec cette prison des peuples, comme nos camarades de Catalogne, dont le formidable mouvement pour imposer la République catalane a été coupé net par la répression déchaînée par la monarchie, héritière du franquisme. Appuyée directement par l'Union européenne. Encore aujourd'hui, des dizaines de militants de la République catalane croupissent en prison du fait de cette répression. Nous dirons, il faut en finir avec cette prison des peuples, celle qui, depuis 3 ans, prétend empêcher les travailleurs et le peuple de Grande-Bretagne de mettre en œuvre le Brexit pour lequel ils ont démocratiquement voté, mais qui est inacceptable pour les puissants qui dirigent l'Union européenne, car cela voudrait dire que les peuples ont le droit de décider. Réunion débat public du comité d'Épinal, jeudi 9 mai à 18h, à la salle du bas de la Bourse du Travail, 4 rue Aristide Briand à Épinal. Alors il y a un contact, Vosges SMS, téléphone 06 70 30 66 05. Alors je continue la lecture du tract. À Strasbourg, nous dirons, on veut nous faire croire que l'Europe c'est la paix, que le siège du Parlement européen serait le symbole de la réconciliation franco-allemande, donc le symbole de l'Europe de la paix. Mais l'Europe des capitalistes, c'est l'Europe de la guerre. L'Union européenne a soutenu, cautionné et participé à toutes les guerres impérialistes de ces dernières années. Première guerre du Golfe en 1992, dislocation de la Yougoslavie, bombardement de l'Afghanistan, deuxième guerre du Golfe en 2003, et toutes les interventions militaires impérialistes sur tous les continents de la planète. C'est ce Parlement européen qui, en reconnaissant, dès le 31 janvier 2019, le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, a soutenu la tentative de coup d'État de l'impérialisme américain au Venezuela. À Strasbourg, nous irons en délégation large pour dire « Oui, les peuples ont le droit de décider. Tous les peuples ont le droit de décider. Le peuple en France a le droit de décider. Il a le droit de décider qu'il faut en finir avec Macron, avec la Ve République, et qu'il faut préparer les conditions de la grève générale. Nous irons à Strasbourg pour dire « Nous revendiquons l'Assemblée constituante souveraine. Le peuple en France a le droit de décider de son avenir, de la forme et du contenu de la démocratie. Il a le droit de décider de rompre les liens qui l'emprisonnent dans le carcan de l'Union européenne. Travailleurs, jeunes militantes de toutes tendances, jeunes militantes et militants bien sûr, nous appelons à aller à Strasbourg parce que nous nous attelons à la construction d'un authentique parti ouvrier qui défend les intérêts des travailleurs face à la classe capitaliste. Comme nous sommes engagés dans le combat pour l'internationale ouvrière avec nos frères et sœurs, travailleurs, militants et jeunes de toute l'Europe et du monde entier, parce que nous agissons pour l'union libre et fraternelle de tous les peuples d'Europe et du monde, débarrassés de la guerre et de l'exploitation. » Alors, la fin, c'est « Abat la guerre, abat l'exploitation, abat les institutions antidémocratiques de l'Union européenne pour l'Europe libre des peuples et des nations libres, librement associées, pour l'Europe libre des travailleurs et des jeunes librement associés, tous à Strasbourg, le 11 mai. » Voilà. Alors, autre chose, ben là, maintenant, la revue de presse plus classique, c'est-à-dire Vosges Matin. Vosges Matin, eh bien, nous dit, par exemple, le mardi 2 avril 2016, l'entreprise de BTP Beauvais poursuit son plan d'embauche. Voilà une bonne nouvelle. Alors, quand je disais que les Vosges allaient être le premier département sans chômeurs, et que la ville de Miremont allait être le premier département sans chômeurs, ah, bah vous voyez, hein, ma boule de cristal, elle fonctionne pas si mal que ça. Les médiateurs garantissent la paix des quartiers. Ouais. Depuis 1998, la politique de prévention de la ville repose notamment sur la présence de 5 médiateurs dans les quartiers prioritaires. Alors ça, c'est à Épinal. Efficacité du système, à vous de juger. Vous savez sans doute comment ça se passe. Comment tout va bien à Épinal. Et ailleurs aussi, d'ailleurs. À Miremont aussi, et puis à... etc. Porte ouverte à l'AFPA sur des filières génératrices d'emplois. Restauration, hôtellerie, aide à la personne ou encore métier du bâtiment, les formations proposées au cœur de l'us du centre AFPA local ont le vent en poupe. Les débouchés liés à l'implantation de la fibre optique sont par exemple bien réels. Voilà. Eh ben voilà. Vous voyez qu'il y a des bonnes nouvelles, hein. Plein, plein de bonnes nouvelles. Si on en croit la presse, on n'est pas obligé. Fabien et Florent Claude sont passés au gros calibre. Voilà, des gars qui sont en train de tirer avec des gros fusils. Ben, c'est bien, comme ça les occupe. Pendant ce temps-là, ils sont quittes de faire des manifestations, de faire usage de la violence dans les rues, revêtus de gilets jaunes, etc. Faire peur aux gendarmes, faire peur aux policiers, faire peur aux gouvernants, faire peur aux banquiers. Ah non, ça se fait pas ça. Non, on fait du tir. Voilà, c'est mieux. Les portes ouvertes vivantes à l'école Saint-Nicolas. Voilà, les parents qui sont venus avec leurs enfants aux portes ouvertes ont pu à cette occasion découvrir le fonctionnement de l'école grâce aux jeunes élèves. Voilà, c'est à Charmes. Vosges Matin, toujours, Charmes. Alter G7, 3000 marcheurs et 3000 marcheurs, point de suspension à la ligne et autant de policiers. Metz. Ils sont venus de partout, des Lorrains, Alsaciens, Parisiens, Belges, Allemands, mais pas aussi nombreux qu'espérés, 2500-3000 au grand maximum. La météo n'a pas aidé, à moins que ce ne soit l'appel national des Gilets jaunes qui est effrayé ou les mesures de sécurité déployées. Voilà, hein, le journal. Ben oui, Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand, disait Pierre Dac à la radio de Londres, la radio de la résistance. La radio de la résistance qui a abouti au 8 mai 1945, c'est-à-dire à la défaite du fascisme et du nazisme, de l'impérialisme, défaite provisoire, parce que ils se sont rattrapés un peu beaucoup depuis, hein, progressivement, mais beaucoup. Un coup de pouce pour les chômeurs de longue durée. Le projet de l'association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée a été présenté dernièrement lors de la réunion du conseil municipal, c'était à Vincé, le 14 mars 2019. Alors, y a-t-il eu des retombées, autres que cet article dans le journal? Eh bien, pour l'instant, je ne crois pas. Hein. Mais voilà, ça, pour remonter le moral des troupes, on n'hésite pas même à mentir, hein, quand on est au gouvernement. Quand on est où quand on possède la presse, les moyens d'information. L'eau de Bussan fait son grand retour. Après plusieurs dizaines d'années d'errance, les eaux de Bussan vont à nouveau être exploitées dès cette année. Voilà. Ensuite, quoi d'autre encore? Eh bien, voilà un journal un peu ancien. Hein, il s'agit du journal du 31 mars, anniversaire, centime anniversaire du 31 mars de 1919, alors où l'on disait, à l'époque, prisonniers Bosch arrêtés. Comptant se rapprocher de leur pays par un train de matériel vide se dirigeant sur l'Alsace-Lorraine, deux prisonniers Bosch se trouvaient cachés dans un wagon. Mais leur présence fut aperçue par M. Verrel, sous-chef de gare à Pagny-sur-Moselle, qui les arrêta et, à l'aide des agents Naudin et Cuillère, il les remit à la gendarmerie qui se chargea de les éloigner du chemin de fer de leur terre natale et le reconduisit en lieu sûr. Eh oui, en 1919, on avait des prisonniers de guerre allemands qui travaillaient en France pour aider à reconstruire. Ben oui, comme dans les guerres précédentes et les guerres suivantes, voilà. Alors, encore le même genre d'informations, mais là, il s'agit du 5 mai 1919. Bosch non coupable, un cafetier de Baccarat. Monsieur Avalanche avait dû, comme beaucoup de camarades, abandonner son établissement en 1914. Il avait appris que sa cave, fort bien meublée, avait été quelques jours après son départ complètement vidée. Naturellement, il se figurait que les Bosch étaient coupables du larcin. On ne prête qu'aux riches, point d'exclamation. Pour une fois, cependant, les Bosch n'étaient pour rien dans l'aventure. Des témoins affirment avoir vu une femme de Baccarat liquider les marchandises de M. Avalanche en 1914, après le départ de celui-ci. Une enquête est ouverte. Enfin, était ouverte en 1919. Hein. Et tout ça, c'est fini, là, maintenant. Maintenant, c'est la Banque Centrale Européenne qui est chargée de piller l'Europe. Bon, le premier patient traité en France il y a 3 ans. La thérapie génique, innovante contre les leucémies. Dans un premier temps, le CHRU de Nancy sera le seul établissement du Grand Est et de Bourgogne, Franche-Comté, à proposer la thérapie dite CAR-T-CEL. CAR-T-CEL, CE2L, à des patients réfractaires aux autres traitements. Voilà. Alors, le premier patient traité en France, il y a 3 ans. En France, le premier patient atteint d'une leucémie aiguë ayant résisté à tous les traitements à avoir été traité par cette thérapie génique innovante l'a été il y a 3 ans à l'hôpital Robert Debré à Paris. 5 jeunes patients du service d'hématologie du CRHU de Nancy, âgés de moins de 25 ans, ont été dans les années précédentes adressés à des établissements parisiens avec 4 réussites, rappelle le professeur Marie-Thérèse Rubio. Hématologie clinique, hémaphérèse thérapeutique, unité de thérapie cellulaire et banque de tissus, pharmacie, réanimation, neurologie, coordination de la greffe et attaché de recherche clinique, le projet CARTCEL à Nancy s'inscrit dans une collaboration étroite entre ces différents acteurs, la thérapie génique. Eh bien, il apparaîtrait que, d'après les articles de Science et Vie que je lis de temps en temps à la radio, eh bien, la thérapie génique, c'est peut-être bien l'avenir, hein, en matière de traitement de pas mal de maladies, dont le cancer. Ces patrons aux retraites dorées. Ah, vous voyez comment les sujets se suivent et ne se ressemblent pas, rien à voir, bien sûr. Argent, décryptage. Retraite record pour le patron d'Airbus, Tom Enders, qui quitte l'entreprise. Il devrait percevoir 36,8 millions d'euros bruts sur 20 ans, sans que ce soit soumis ni aux actionnaires, ni aux règles en vigueur en France. Eh oui, eh oui. Il faut être riche si on veut être riche. Sinon, bon, on peut le devenir aussi, mais c'est mieux de naître avec les outils en main. Un forum pour transmettre des savoirs à Cap-Avenir-Vosges. Le forum des métiers d'art et de la transmission des savoirs se tenait ce mardi à la rotonde de Cap-Avenir-Vosges. Alors, c'était le 3 avril, hein, donc c'est déjà un peu passé, si on veut y aller, trop tard. Un tour de France à vélo contre le chômage. Jean-Antoine, 55 ans, démarre ce vendredi un tour de France en vélo pour alerter contre ce qu'il estime être une discrimination à l'âge. À 55 ans au chômage depuis 4 mois, il se heurte aux employeurs qui préfèrent embaucher des jeunes et qui préfèrent même, dans la mesure du possible, ne pas embaucher du tout. Parce que embaucher des gens, ben, ça veut dire verser des salaires, ça veut dire perdre de l'argent, voyons. Perdre de l'argent. Alors, et évidemment, les salaires, les salariés, c'est des gens qui coûtent de l'argent, mais ils participent à la production quand même, hein, oui, d'une part. Et puis d'autre part, et en tant que consommateurs, ils peuvent être des clients directement ou indirectement de l'entreprise qui les emploie. Alors, oui, producteurs, consommateurs, salariés, chômeurs, etc., le patronat, il devrait arriver à arrêter de jouer avec ça. Parce qu'il y a un jeu qui s'appelle la roulette russe, vous ne connaissez peut-être pas, c'est un jeu un peu bête. Hein. Vous prenez un pistolet à barillet 6 coups, par exemple, vous retirez toutes les balles, sauf une. Vous fermez le barillet, vous faites tourner le barillet de façon aléatoire, 3-4 fois dans un sens, 2-3 fois dans l'autre sens, vous mettez le pistolet sur votre tempe et vous appuyez sur la détente. Eh bien, vous avez une chance sur 6 de mourir. Voilà. 5 chances sur 6 de gagner. 5 sur 6. Alors, bon, voyons. C'est ça la roulette russe. Hein ? Eh oui. Alors, Saint-Gobain, oui, ben, parfois on gagne. On gagne 5 fois sur 6, hein, quand même. Enfin, on peut gagner 5 fois sur 6, mais malheureusement, de temps en temps, voilà. Saint-Gobain Pont-à-Mousson passerait sous contrôle chinois. Là d'attendre des précisions de Saint-Gobain Pont-à-Mousson sur la recherche de partenaires économiques, le syndicat CFE-CGC dévoile qu'un groupe chinois pourrait entrer à hauteur de 60% dans le capital de la société leader en fonte ductile. Une information alarmante. Ben, pour ceux qui vont garder leur emploi, c'est pas alarmant. C'est pas alarmant du tout. Eh oui, moi je serais salarié, je verrais pas beaucoup d'inconvénients. Je dirais, après tout, puisque les autres sont incapables de faire tourner la boutique, si les Chinois veulent la faire tourner, ben, ma foi, voilà. Hey. Hein? On garde notre emploi. C'est le principal. Eh oui. Oui, le capitalisme, qu'il soit chinois ou européen ou américain, peu importe. On se fait de toute façon exploiter. Européenne, première confrontation médiatique. Bon. Trois collaborateurs de l'Élysée convoqués par la justice. Affaire Benalla. Alors ça, c'était le 5 avril 2019. Et vous en avez entendu parler depuis, de l'affaire Benalla ? Et non, c'est tombé dans l'oubli. Il faut croire que les journaux ont d'autres affaires à faire passer devant. Ah oui, Benalla, oui, c'est pas grave. Benalla, il y en a déjà eu dans l'histoire de la 5e République, et même de la 4e, et des précédentes, et puis il y en aura toujours, dirait l'autre. Mais oui, bah, bien sûr. Trois collaborateurs de l'Élysée, donc convoqués par la justice. Très bien.